Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud nous parlera de radio à la radio dans sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Et Marc-Olivier Dumas nous fera un petit peu de sport dans Sport et Fléché. Alors, ouais, on la fera pas trop nous autres. Ouais, non, non, non. On va prendre ça cool. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. On se mardi 9 janvier 2018. On est à 108 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Mm-hmm. Et bien oui, un autre matin où on se lève et il fait frais. Faut qu'on dise chaque matin, un autre matin encore. Un autre matin encore. Un matin où il fait noir encore. Oui, c'est surtout ça, c'est vraiment très, très... Je pense qu'on est dans la période là, où il fait noir pendant longtemps. Hier, on disait qu'il n'y avait pas eu de chauffage à l'université pendant 2 semaines. Ils l'ont mis. Ils se reprennent, là. Il fait comme 23, là. T'sais. Exactement. Il fait chaud. Fait très on chaud. On pourrait placer une coupe de palmiers à certains endroits. Sable, très distinctif. Wow. Puis on aurait une belle plage. L'UQTR, mesdames et messieurs. Exactement. Ouais. Sinon, j'ai le rhume depuis dimanche soir. Je t'avais déjà dit ça. Hier, ça allait pas très bien, ma voix. Cette nuit, j'ai essayé de me coucher hier à 9h le soir. Je me suis réveillé à quelle heure, tu penses? 3h. Minuit. Ah, OK. Ouais. Et je me suis rendormi après. C'est n'importe quoi, le rhume, hein? J'avais tellement chaud, j'avais tellement froid. Ouais, mais déjà en partant, Mathieu, t'as pas un cycle de sommeil très, très normal. Non, c'est vrai que 3 heures, ça peut être des fois la durée de ma nuit quand même. C'est ça. Mais non, il faisait tellement froid au début que j'ai ramené ma grosse doudou du salon dans mon lit. Puis après ça, j'ai eu ultra chaud. Fait que je pense qu'il y a de la fièvre encore là-dedans. C'est possible. Ça se peut. Bref, on va peut-être me perdre d'ici la fin de la semaine. J'espère que non. J'espère pas. Aujourd'hui à l'émission, Tania, on va avoir du plaisir avec nos chroniqueurs. Oui, ils sont de retour. Hier, on était seuls, toi et moi. Donc aujourd'hui, on a Justine Renaud à 7h30 avec sa chronique musico-scientifique. Elle nous parle de radio et comment ça fonctionne, la radio. On a hâte de savoir si on fait ça correctement. Oui, on a appris hier que les stations de radio, c'était pas nécessairement... Ça n'est pas super bien dans le domaine, non, des fois. Exactement. Justement, tantôt, on dévie un petit peu, mais je vais faire une chronique de son foot palmarès dans quelques instants, justement aussi sur la radio. À 8h, Marc-Olivier Dumas avec sa chronique Sport et Filoché. On va faire le survol des dernières semaines. Hein. J'imagine qu'il s'est passé quelque chose, ou au moins pendant les fêtes, peut-être. Mm-hmm. À 8h30, Dominique Notte-Mavungu et Voix d'Afrique va être avec nous. Ta collègue s'en vient plus tard aussi. Tania Gonna Entertainer, qu'est-ce que tu nous prépares? Bien, je vais vous parler un petit peu d'argent, de budget. Vous allez voir, peut-être retour des fêtes, ça peut être quand même assez difficile. Donc, on va nager un petit peu dans ces eaux-là. Cool! Eh bien, oui. Ça s'en vient tantôt. Et comme je l'ai dit, dans quelques instants, on va parler de radio. On va donner quelques preuves qu'on nous ment lorsqu'on dit que la radio traditionnelle se meurt. D'accord. Mais avant ça, on écoute Gasoline avec une très excellente pièce, You Can. Assemblage requis sur C'est fou. Yugen, je te regarde sous la pluie des arbres. J'ai parfois peur que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Loin de nous, Yugen, qu'est-ce que tu vois? Est-ce ma voix, mon amour? Yugen, Yugen, ça se promène dans mes veines. J'ai peur que les mots aient tué la beauté de poèmes. Yugen, un tatouage de sang sur des pages. J'ai parfois peur que les barbons ne me manquent plus jamais. Loin de nous, Yugen, est-ce qu'on y croit? Est-ce que croit notre amour? J'ai peur que les mots aient tué la beauté des paroles. Gasoline et Yugen. Yugen. Dans Assemblage Requis. Et Yugen. Yugen. Maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, quand même assez précis, on parle de radio. C'est des preuves concrètes qu'on nous ment lorsqu'on dit que la radio traditionnelle est en train de mourir. Oh, d'accord. Tu sais, la radio a ses détracteurs. On a parlé de CIBL hier à l'émission. Oui. Et on disait, bon, par moment, qu'il y en avait qui étaient pas... il y en avait qui les encourageaient, mais donc que ça leur dérangeait pas trop. Est-ce que c'est important, la radio communautaire? Peut-être pas, on sait pas. Bref, les détracteurs disent que la radio, c'est presque terminé, mais c'est pas le cas. On commence avec Londres pour commencer, et en passant, c'est un article qui nous vient de l'Alliance des radios communautaires. C'est par Simon Forgue, j'aime du beaucoup. Du Canada. Du Canada, j'aime beaucoup ce site-là. Mm-hmm. Bref, on commence avec, dans la grande agglomération de Londres en Angleterre, il y a encore à peu près 120 stations radiophoniques parmi lesquelles choisir, en incluant de toutes récentes sur la bande qu'on appelle le DAB. Le DAB. Le DAB. Digital. Là, on parle pas du mouvement de bras. Non, vraiment pas. Bref, c'est pas la radio Internet, le DAB, en passant. La radio numérique DAB est transmise par les ondes hertziennes, donc les ondes les mêmes que la radio FM. Le signal est numérique, par contre, plutôt qu'analogique. Bref, la technologie change, mais le modèle d'affaires reste le même. Un poste transmetteur puis un poste récepteur, comme on va parler avec Justine Renaud tantôt. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc, pas d'Internet, pas de cookies, pas de surveillance de vos faits et gestes. Rien qu'en 2016, le CRTC, nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a émis encore 15 nouvelles licences de radio au Canada. Oh, OK. Ouais, dont 11 d'entre elles ont été allouées à des stations non commerciales. Oh. De ce nombre, on a exploité 7 services FM de plus que l'année précédente. On dénombrait donc 587 stations FM au Canada en 2016. Ça peut pas aller si mal que ça si on ouvre encore une nouvelle station. Hein. C'est vrai. En Norvège, on a commencé à éteindre les émetteurs FM. On entend souvent parler de ça. On a fait ça cette année pour... cette année 2017, l'année passée. Mm-hmm. Pour procéder à la conversion vers la radio numérique terrestre. Or, le passage de l'analogique vers le numérique n'a pratiquement pas fait bouger les chiffres d'audience. Même que 84% des ménages norvégiens disposent d'ores et déjà d'un ou même plusieurs récepteurs DAB, soit approximativement 4,75 millions de radios DAB au total. Ça, ça veut dire que les gens veulent vraiment écouter la radio s'ils ont acheté une machine avec la radio numérique dedans. Oui. Faut quand même le faire. En Corée du Nord, pays particulièrement reconnu pour son amour de la télé et de la vidéo, les professionnels de la radio y constatent pourtant une demande croissante pour les contenus audio, à tel point qu'on y anticipe même une ascension fulgurante du médium radio, particulièrement grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle et des systèmes à contrôle vocal. Évidemment. En avril 2017, l'Institut fédéral mexicain des télécommunications a rendu une décision historique. Le Mexique est devenu le premier au monde à obliger les manufacturiers de téléphones intelligents à déverrouiller la puce FM installée dans leurs appareils, qui permet d'écouter la radio terrestre gratuitement et sans consommer de données mobiles. On sait que... Quelle bonne idée! Ouais, Apple est contre ça. Ils disent qu'ils ont enlevé la fonction, ils peuvent plus le faire, c'est plus technologiquement possible. Mais en tant que tel, ils ont bloqué l'accès à l'antenne Wi-Fi sur tous leurs anciens iPhones. Mettons que Apple, là, ces derniers temps, sont pas... Sont pas pointés du doigt pour leurs bonnes jokes. C'est ça. J'ai dit Wi-Fi, je voulais dire FM, je m'en excuse. Quoique... Mathieu et ses bruits bizarres de gorge. On fait de la radio. C'est ça. Et j'ai plus de voix, c'est ça. Quoique le conseil d'administration de l'une de nos radios, donc on parle ici de l'Alliance des radios communautaires, ait choisi de la fermer récemment, le secteur de la radio communautaire et de campus est encore bien vivant au Canada. Rappelons la différence entre campus et communautaire, entre campus communautaire et communautaire. Communautaire peut avoir des subventions. Oui. Campus communautaire n'a pas de subventions. On a des cotisations étudiantes. C'est ça. Bref, selon le CRTC, on dénombre pas moins de 180 stations de ce type au pays. Parmi celles-ci, la communauté francophone d'Edmonton a reçu en janvier 2017 l'autorisation d'y implanter une radio communautaire de langue française qui ouvrira ses portes en 2018. Donc oui, il y a encore des radios qui ouvrent sur la bande FM de nos jours. En juillet dernier, suite aux pressions des communautés mais aussi des touristes qui espéraient bénéficier d'un service de radio en français, la Société Radio-Canada a aménagé de nouvelles antennes de transmission de la première chaîne radiophonique à Jasper, Banff et Lake Louise. Donc quand même, ouais, Radio-Canada. Aux États-Unis maintenant, les impacts totaux de l'industrie de la radio locale sont de l'ordre de 484,66 milliards de dollars américains. Plus de 130 000 emplois y sont directement liés au secteur de la radio, donc ça fait encore pas mal d'argent et pas mal d'emplois dans cette industrie qu'on dit pourtant mourante. Mm-hmm. C'est pas parce que certains gens l'écoutent plus que plus personne n'écoute. Je crois pas qu'elle soit mourante parce que les gens ne l'écoutent plus. Je pense qu'elle est mourante parce que les gens veulent plus payer. Mais les gens payent pas pour la radio. Non, je parle des publicitaires. Ah, ça, je comprends. Ouais, je comprends. Exactement. Ouais. D'accord, on se comprend. Faut trouver d'autres façons de survivre. C'est ça. Des partenariats, c'est des couvertures d'événements. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un bon point. Depuis le printemps dernier, une nouvelle entreprise du nom de Stats Radio a commencé à mesurer la portée totale de l'auditoire radio en temps réel, alors que jusque-là, seule l'entreprise Numéris, qu'on appelait BBM dans le temps, mesurait l'auditoire radio au pays. Des joueurs importants de l'industrie radiophonique tels que Attraction Radio et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, l'ARCQ, ont adhéré à cette nouvelle révolution technologique. En France, l'écoute radio s'établissait à 2h52 par jour en 2003. En 2013, l'écoute était à 2h56. Ça a monté depuis 2003 en 10 ans. Oui. Elle a connu des pics jusqu'à 3 heures au cours des 10 dernières années mesurées. Et sachez qu'elle n'a jamais descendu en bas de 2h30 à chaque jour. C'est bien. En France, quand même. Les radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada offrent aux auditeurs canadiens, et ce même encore en 2017, pas moins de 82 000 heures de programmation produite localement à chaque année. Ça fait beaucoup d'heures de programmation radio en français, quand même. Même si on est rendu, l'article date de 2017, donc les membres de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec et de l'Alliance des radios communautaires du Canada réussissent à fédérer les énergies respectivement d'au moins 2000 bénévoles chez la première et 1100 chez la seconde. Les gens continuent donc de s'impliquer dans les radios universitaires, communautaires et autres. Loin de fléchir, l'audience, le quotidien moyen de la radio dans les grands centres urbains au Canada a plutôt augmenté entre mai 2016 et août 2017. C'est vrai tant à Toronto, à Vancouver, à Calgary, à Edmonton et à Montréal, des marchés pourtant bien pourvus en produits médiatiques de toutes sortes. La radio est la plateforme médiatique qui rejoint le plus de gens aux États-Unis. En effet, 93% des Américains écoutent la radio AM/FM par le biais des ondes, une portée supérieure à la télé qui est à 89%, au PC à 50%. Ça, c'est oignon, piment et... Portable computer. Possiblement. À la tablette tactile, 37% et même au très populaire téléphone intelligent à 83%. Mm-hmm. Cet automne, le World DAB, qui est l'organisation internationale non gouvernementale qui coordonne l'implantation des technologies de radio numérique DAB, DAB+, et DMB, annonçait que près de 60 millions de récepteurs de radio numérique terrestre avaient été déjà vendus à ce jour à travers le monde. Le printemps dernier, on en dénombrait à peu près 53 millions. Je sais pas si on va voir ça un jour, le DAB. Je sais pas, hein. Et on se trompera pas en affirmant que si le CRTC a exigé en 2014 que les stations de radio AM et FM participent au nouveau système national d'alerte au public, oui. C'est fou, ils participent évidemment parce exactement. Qu'on n'a pas le choix, c'est qu'ils connaissaient pertinemment l'importance de ces médias dans la dissémination d'informations essentielles à la sécurité du public. Autrement, pourquoi aurait-il imposé pareilles mesures à des médias en voie de s'éteindre, hein? Pas fou. Du tout. Donc voilà, la radio n'est pas mourante, c'est la publicité en radio qui est mourante, selon Tania. Selon moi, c'est ça. Ouais. faut trouver d'autres choses. Bref, voilà, on est au bout de cette chronique-là et au bout de ma voix. Donc, prenons une pause musicale. Certainement. On va aller entendre une petite pièce, puis après ça, on va revenir parce que notre ami Justin Renaud s'en vient un petit peu plus tard, dans les prochaines minutes, vers les 7h30. Donc, avant ça, écoutons un petit peu de Partner. J'aime beaucoup cette pièce qui a été numéro 1 des palmarès dans les derniers mois. C'est Everybody Knows You're High. Mm-hmm. À son lèvre qui est sûr, c'est... knew she had to go too. And on the deck while I waited for her to get dressed, sparked up another one, and I was such a mess that I confess that my professor wouldn't look me in the eye. You see, everybody knows you're high. Everybody knows you're high de The Partner dans Assemblage Requis ce matin. Oh, qu'on l'a aimé, cette chanson-là. Tellement. Et moi, je suis high sur le sirop pour la tour. Ben oui. C'est le fun. Des choses qui arrivent. J'étais en train, en ronde pendant la chanson, de compter peut-être le nombre de fois que j'avais pas de voix cette année à la radio. Ça, oui. C'est quand même. Ça commence à être élevé. Là. Mais bon, tu sais, au nombre de dizaines d'émissions qu'on fait par année. Moi, je pense que t'as un problème dans ton corps, Mathieu. Possiblement. J'ai un problème, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. On était dans son football marais tantôt. On a parlé de radio un petit peu. Maintenant, on va parler de nouvel an et de résolution. On a parlé un petit peu hier avec toi dans ta chronique de comment mieux vivre en 2018, comment avoir un meilleur 2018 que 2017. Les résolutions, ben, sont faites pour être brisées. C'est vrai? Ah, OK. Hein, les règles sont faites pour être brisées, on sait. Donc, il y a quelques façons scientifiquement prouvées donc, de réussir ces résolutions et de vivre plus en santé ou mieux en général. Commençons par faire du bénévolat pour se sentir comme si tu servais à quelque chose. Les gens qui font du bénévolat d'aussi peu que 2 heures par semaine disent être plus heureux, servir plus à quelque chose et avoir une meilleure santé. C'est vrai. Une étude de Social Science and Medicine suggère que le bénévolat pourrait contribuer à un niveau de bonheur, d'être heureux, si on veut, en augmentant les émotions d'empathie et les aspirations, donc ce que tu veux accomplir dans la vie. Mm-hmm. Ça va t'aider à réévaluer ta propre vie. Et le bénévolat est productif pour les adultes plus vieux contre le déclin cognitif et physique. Ah, tu vois, ça, je savais pas. C'est bien, hein? Ensuite, pour augmenter la discipline, on devrait réduire l'effort de l'activation, oui. OK. Qu'est-ce que c'est l'effort de l'activation? Ouais, c'est ça. Vous allez le savoir. Donc, si vous voulez apprendre une langue, peut-être, ou je sais pas, apprendre à jouer du ukulélé, le chercheur du bonheur, Sean Aker, a une règle des 20 secondes. Donc, l'auteur de The Happiness Advantage a découvert que seulement 20 secondes de plus d'effort d'activation, donc l'énergie que ça prend pour commencer quelque chose, est assez pour que les gens... pour faire que la plupart des gens vont arrêter une activité. Oh, OK. Donc, il nous apprend que si tu réduis le temps que ça prend pour commencer quelque chose de nouveau de 20 secondes, par exemple, mettre la guitare à côté du divan à la place de la cacher dans le garde-robe ou dans une boîte, tu vas avoir plus de chances de le prendre, ton ukulélé, chaque jour. C'est pas fou comme idée. T'as pas besoin de faire d'efforts. J'aime vraiment ça. Non, c'est ça, exactement. C'est très fort. Pour être plus créatif, tu devrais faire de l'art quand t'es heureux. Oh, OK. Ouais, contrairement à la notion populaire que les artistes qui sont un petit peu torturés dans leur tête ou peu importe font le meilleur art, une étude récente dans le journal Nature nous apprend qu'il y a un lien entre une augmentation de la créativité et l'émotion positive. Donc, l'auteur Melinda McPherson nous apprend que l'émotion a un grand effet sur la façon que notre cerveau peut être créatif. Donc, sa recherche était par rapport à des musiciens de jazz qui retrouvaient l'émotion positive. Qui étaient reliés avec plus de créativité dans leur musique. Ils étaient plus heureux, ils étaient plus créatifs. Justement, pour être plus productif, oui, on devrait prendre plus de pauses. Ah, OK. Si c'est l'année que tu disais que tu voulais être plus productive, la meilleure chose que tu pourrais faire, ce serait de prendre plus de pauses. Une pause café, bien évidemment. Pause café, donc en faire moins pour en faire plus. C'est une étude dans Journal of Applied Psychology qui nous apprend que des courtes pauses qui commencent donc même après quelques petites heures du début du travail, c'est plus efficace pour rafraîchir les employés. Surtravailler, ça mène à de l'épuisement et une augmentation des hormones de stress, peut-être une sensibilité au rhume, ce qui peut créer un cycle qui pourrait mener facilement vers un burn-out. Je m'en allais dire une écœurantite aiguë, mais c'est ça revient un peu à la même chose. Je pense que c'est le terme scientifique en français pour, c'est ça, pour le burn-out. J'étais pas certaine. Pour avoir un plus grand degré de bonheur, on devrait voyager plus. Mais oui, évidemment. La recherche donc nous apprend qu'on est plus heureux lorsqu'on dépense notre argent sur des expériences et non pas des choses matérielles. Ça, je dois avouer, c'est vrai par contre. Oui, hein. Donc, des choses qu'on ne pourrait pas amener avec soi lorsque l'on meurt, dit-on. Donc, les plus grands regrets qu'ont les gens à la fin de leur vie, c'est souvent des choses qu'ils n'ont pas fait, et non pas des choses qu'ils ne se sont pas procurées. Une autre étude dans Psychological Science, où les participants recevaient du chocolat, d'accord? Ouh. Ça nous a appris que les gens focussaient plus sur la dernière expérience qu'ils avaient vécue. Donc, il faut vous assurer de terminer vos vacances sur une note positive. Mm-hmm. Donc, assurez-vous de bien finir votre voyage, un peu comme on finirait sur une bonne note de chocolat. Hein? Pour arrêter de fumer ensuite, pour ceux qui veulent arrêter de fumer, il faudrait pas le faire seul. Ouais, donc des fois, on est vraiment accro à quelque chose. On a parlé de jeux vidéo hier, entre autres. Donc, le National Institutes of Health nous apprend que cesser de fumer avec un programme, donc un programme où on serait suivi en personne, ou une thérapie comportementale cognitive serait les façons les plus efficaces d'arrêter de fumer. La thérapie du remplacement de la nicotine, donc nicotine replacement therapy, entre autres, utiliser de la gomme, des sprays nasaux, des patchs, des pastilles, ça peut aider à arrêter de fumer de 50 à 70% versus ne pas utiliser du tout ces techniques-là. Donc, les deux méthodes ensemble, le NRT ainsi qu'un suivi personnel pourrait vraiment vous aider plus. Ensuite, pour ceux qui veulent perdre du poids, il faut arrêter de penser au poids. C'est bizarre, hein? Ouais, je sais. Mais c'est comme... OK. Vas-y. Non, ouais, non, pas en tout. C'est le contraire. C'est complètement le contraire de ce qu'on disait hier, en fait. Ouais, ben justement, on va dire pourquoi. OK. Quand même. Donc, focusser sur le poids que tu... c'est ça, comment tu pèses, finalement. Mm-hmm. Ça peut aller à l'encontre de la perte de poids, selon une neuroscientifique qui est Sandra Amott, qui est l'auteur de « Why Diets Make Us Fat ». Pourquoi les diètes, les régimes nous rendent gros. Donc, elle dit que notre cerveau contrôle notre poids à un point qui est à l'intérieur d'une marge de 10 à 15 livres parce que le cerveau veut survivre. Ah, OK. Donc, le cerveau perçoit un régime ou une diète comme une menace à sa survie et ça va augmenter les hormones de stress qui sont aussi liées à un poids donc qui va augmenter. Amott dit que se concentrer sur un régime, une diète lente et stable, d'exercices réguliers, de bons choix alimentaires et de réduction du stress vont t'aider à perdre du poids. Il faut pas se fier sur l'exercice seulement. On dit qu'il faut faire du mindful eating, donc porter attention aux sentiments et à l'attitude que t'as quand tu manges. Ah, avoir du plaisir en mangeant. C'est ça, donc peut-être manger plus lentement, savourer plus, être moins sur ton sel en train de t'empiffrer et pas te rendre compte que tu manges vraiment. Ouais. Bref, donc l'attitude par rapport à la nourriture. Et choisir des opportunités de donner à ton corps ce qu'il a besoin d'avoir et non pas ce qu'il demande, comme dans le bon goût. Genre comme des chips, là. Mettons. Ensuite, pour ceux qui veulent... Là, on a presque fait le tour des résolutions qu'on pourrait avoir, les plus communes. On a une autre résolution qui pourrait être d'économiser de l'argent. Oui, attention à ce que tu dis. Et pour économiser de l'argent, conseille restreindre ton accès à l'argent. Ah, OK. Un peu comme tantôt, si on voulait apprendre un instrument de musique, on le mettait proche de soi. Là, c'est le contraire. On veut pas dépenser, donc on élimine l'argent près de soi. Tu comprends? Donc, arrêtez d'aller se retirer un vin à chaque matin dans le guichet automatique juste à côté du studio. Mettons. Donc, selon une étude... Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça, Mathieu Plante. C'est une blague. Tu l'as fait tout le mois de décembre. C'est pour ça que je disais ça. Tout le mois de décembre, mais non. C'est souvent. Comment? Impossible. Pas grave. Impossible dans le mois de décembre. T'en avais juste pas. C'est ça. Bref, plus tu... selon une étude dans le Quarterly Journal of Economics, les participants qui s'engageait à utiliser un montant restreint d'argent, donc pas nécessairement de l'argent physique, mais un compte où il y avait moins d'argent dedans, même débit. Bref, versus un groupe de contrôle qui, eux, n'avaient pas de limite. Donc, le premier groupe économisait plus d'argent que le groupe contrôle. Donc, tu peux te faire un compte d'économie qui va te pénaliser si tu retires de l'argent. Mm-hmm. Ça pourrait être bien. J'imagine que certaines banques font ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Sinon, tu pourrais avoir... moi, ce que je fais sur mon compte de débit, ça m'aide pas parce que je me sers surtout de ma carte de crédit, mais t'as un nombre limité chez Desjardins. Ils sont tellement... Ouais. Dans le fond, ils sont vraiment fins quand tu y penses, Desjardins. Ils chargent beaucoup, beaucoup plus cher pour beaucoup, beaucoup moins de transactions. Fait que ça t'empêche de dépenser quand tu y penses. Oui. Est-ce que t'as vu l'ironie là-dedans un peu? OK, ouais. Oui, ouais. J'ai compris ça a été long l'ironie. Un peu, ouais. Hein, non, un peu non, long. Je l'ai... Ils chargent 4$ pour 12 transactions. C'est ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu t'en sers pas, puis tu sors de ta carte de crédit comme un épais. mais tu fais de l'argent en retour avec des 1% de retour en argent. Ah oui, bien, en tout cas. Je sais, Desjardins, je suis pas un fan. Bref. Non, vraiment pas. Si je pense qu'on n'a pas les deux plus grands fans de Desjardins ici. Là. Si je peux m'en passer un jour, je vais m'en passer un jour. Exactement. J'attends rien que ça de pouvoir faire ça. Bref, un compte d'économie qui vous permet pas de faire plus de transactions que nécessaire. Sinon, on pourrait mettre les économies dans un compte, comment t'appelles ça, pas certifié, mais un truc qui t'empêche complètement de retirer pendant plusieurs années. Un compte à terme, épargne à terme, c'est ça? Mm-hmm. Épargne à terme, quelque chose comme ça. Bref, une période d'investissement fixe de plusieurs années avec un taux d'intérêt fixe aussi pour être garanti de ne pas perdre d'argent. J'aime beaucoup ça. Moi, je me suis... j'ai déjà parlé de ça à l'émission, je vais pas m'étirer sur le sujet, mais une application, tu te rappelles, dont je t'ai parlé... Est-ce que je peux débarrer mon téléphone comme ça? Non. Ben non, t'es devant un micro. Bon, Mathieu est présentement en train d'essayer de débarrer son téléphone. On se rappelle qu'hier, je disais que Mathieu avait le nouveau téléphone et que c'est reconnaissance faciale et que chaque fois qu'il est en studio avec des écouteurs sur la tête, ça ne fonctionne pas. Mais ils disent que ça marche avec un foulard, du maquillage et une nouvelle barbe. C'est ça. Mais un micro et des écouteurs, par contre... Ça rentre pas dans les options. On dit pas dans les critiques souvent, là, mais ça, c'est pas le fun. Exactement. Et en plus, c'est que non seulement faut que je débarre mon téléphone, mais en plus, faut que je débarre l'application de finance. Fait que c'est deux fois. C'est pour ça que ça a été long. Oh mon Dieu, parce que l'autre aussi est reconnaissance faciale. Ouais. Incroyable. En fait, tout ce qui est Touch ID sur ton iPhone devient Face ID sur le 10. Bon, mais je suis bien contente de pas avoir l'iPhone 10. Ben, tu sais, c'est la seule affaire que je regrette. Ouais. C'est la reconnaissance faciale. Tout le monde aime ça, mais moi, j'aime pas ça. Puis le prix, non? Ouais. Je suis le même, tu sais. Je suis le même. Ouais. Une pute à gadget. Tu peux bien parler de moi que ça va retirer un vin au petit guichet. S'il y a quelqu'un qui s'assume dans le fait que les conseils que je dis sont pas ceux que je fais moi-même. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est ça. Bref, j'étais en train de parler de l'application dont je parle souvent, Milo, qui permet de mettre de l'argent aussitôt que vous faites un achat, ça va arrondir au prochain dollar et mettre ça dans la bourse. Mm-hmm. Donc vraiment, littéralement, jusqu'à maintenant, là, j'ai déjà économisé 170$ et là-dedans, il y a 29,52$ que j'ai mis en argent physiquement en mettant en arrondissant mes piastres et le reste, 70$, c'est de l'argent que j'ai fait en bourse finalement. Oh, OK. Ça vaut la peine en titi. Ben oui. Je trouve. Donc, allez-y sur de la bourse stable et fiable et pas à risque. C'est ce que je vous conseillerais. Allez pas sur du Apple ou des trucs comme ça. Mm-hmm. On était en train de se former de nouvelles habitudes dans la liste des résolutions du nouvel an qu'on pourrait avoir, mais comment les tenir? Hein? Comment les tenir? Pour créer de nouvelles habitudes, on devrait leur donner plus de temps pour coller. C'est vrai, ça? Ouais. Donc, c'est un chercheur britannique qui nous apprend... Se les approprier. Que c'est pas nécessaire... Tu sais, des fois, on dit 3 semaines, 1 mois. Tu sais, 21 jours, c'est le classique. Ouais. Mais un chercheur britannique nous apprend que c'est plus 66 jours. Ouh là là, ça change la donne un petit peu. C'est plus que 2 mois, ça. Ouais. Heureusement, il dit que tu peux manquer une journée une fois de temps en temps, en autant que tu prévois à l'avance des actions concrètes à prendre quotidiennement et ne pas avoir la pression de performer. Pas fou. Et pour terminer, choisir une résolution qui ne demande pas trop de talent ou de force ou de d'envie nécessairement. OK, finalement, elle reste bien ben zen, tu sais. Ben ben basic aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est une recherche qui nous apprend que... que les gens qui doivent vraiment avoir de la grande volonté extrême, c'est une fonction, en fait, la volonté du cortex préfrontal. Et ça épuise d'autres fonctions comme l'endurance mentale et l'envie de vraiment continuer. Donc, la volonté est un muscle mental qui doit être entraîné. Oh. Donc, on devrait choisir une résolution qui ajoute quelque chose à ta vie. Par exemple, t'inscrire à un club de lecture ou faire plus de smoothie maison. Mm-hmm. Hein? À la place de d'enlever des choses, par exemple, enlever le sucre de ta diète. Ouais. Ou, je sais pas, des trucs comme ça. Donc, ça va être une question d'envie et non de volonté. Tu comprends? C'est pas fou comme idée. Plus positif que négatif. Ouais, je trouve que c'est... Ben, c'est visé sur le positif. Comme tu dis, ouais. Hein, c'est bien. Ouais, va falloir ça. Mettre à l'épreuve. Ouais. Savoir si ça fonctionne vraiment. 2018, c'est notre année. Fait qu'on te met là-dessus, Mathieu. Merci. Et toi donc? C'est toi qui as posté sur Facebook des trucs de nouvelle année et de... C'est pas ça? T'as pas posté un message non. de... Non? Ben, j'ai posté un message de bonne année, mais... Ah, par rapport à l'année passée qui était pas super bien. C'est toi, ça, non? Oui. Ouais. Ben, sur Instagram. Ah, OK. Excuse-moi. Ouais. Ben, y a pas de problème. Je mélange mes réseaux sociaux. C'est pas grave. Bref. Et que je l'ai écrit, je l'assume. Ben, c'est ça. 2017, c'était pas le meilleur. Ben, non. Exactement. Vraiment, parmi les pires. Oui, tout à fait. Ouais. Depuis les 5 dernières années. C'est ça. On prend une petite pause. Et au retour, on a comme résolution de garder Justine Renaud le plus longtemps possible. Oh ouais, on va essayer. Donc elle revient avec nous dans Justine Persine dans quelques minutes. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 9 janvier 2018. Tania Baudin et Mathieu Plante à Assemblage Requis jusqu'à 10h. Dans quelques minutes, Justine Renaud et Justine Pertine. Mais avant ça, un peu comme ma gorge qui est bien tendre en ce moment. Voici Tendre et Blablabla sur C'est fou. Et blablabla. Bla, bla. t'sais, hein? On fait le tour vite dans cette toune-là. Blablabla. Blablabla. C'est ça, parler pour rien dire, ça. C'est, ça ressemble à ça. Tout le contraire de la chronique de Justine Renaud. En effet. Ah, voici Justine Pertine. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. On fait jamais ça à radio, parler pour rien dire. Ce matin, en fait, c'est peut-être un peu du blabla pour rien dire parce qu'on est directement dans la matière, à savoir qu'aujourd'hui, on va faire de la radioception du film Inception. Ouais. On va parler de radio à la radio. C'est génial. Ouh. Justine Renaud. Pas de pléonasmique. En fait, je vais décortiquer avec vous des multiples principes physico-scientifiques qui permettent la transmission radio. Mais pour ce faire, il nous faudra revisiter un peu d'histoire, le côté là, qui a permis le développement de la transmission radio essentiellement. Et en commençant par ceci, les premières communications radio ont vu le jour au début du 20e siècle. Ça, on est comme pas mal tout au courant qu'avant ça, la radio, ça existait comme pas. C'est fou, 89.1 a débuté quand, ça, Mathieu? 1997, j'entends dire. C'est ça. Fait que, jusqu'à... À déterminer. À déterminer. On n'aime pas ça. C'est enfin un Canadien du nom de Reginald Fessenden qui en est l'inventeur. Fessenden, c'est comme Tétinas. Hein? Tétinas. Fessenden. Fessenden. Exactement. Les fesses et les dents. C'est ça. C'est une dette. Il est l'inventeur, pas de 89.1 FM, c'est fou, malade, mais plus de la radio en général. Par contre, Fessenden a rencontré beaucoup de pépins, en commençant par son utilisation initiale, puis là, on rentre dans la grosse matière, là, d'oscillation amortie. Oui, oui. Les ondes radio, c'est des oscillations, c'est des ondes électromagnétiques, mais lui, il avait commencé avec l'idée, bon, je vais essayer d'envoyer des ondes électromagnétiques sous forme interprétable par une antenne distante, mais s'est rendu compte que son idée initiale d'utiliser des oscillations amorties, c'est-à-dire des ondes qui perdaient leur amplitude avec le temps, bien que c'était pas bien bien winner, dans le sens qu'il lui aurait fallu envoyer des signaux sous forme de pulsations. Ça existait déjà, le code Morse, etc. Il y avait déjà des communications de ce genre-là, mais nous, ce qu'on voulait, c'était réellement de porter un son continu à l'auditoire et non pas juste comme pip, pip, pip, pip, pip. Pip, tu sais, ou des Justine. C'est comme ça. Fait que ça marchait comme pas, son idée. Bravo, Fessenden. Fait que s'est vite rendu compte que c'était pas viable pour la communication radio fidèle des choses qu'on entendait. Il s'est mis sur le développement de transmetteurs radio qui pourraient émettre des ondes continues. Aujourd'hui, on les connaît comme CW ou CW pour Continuous Wave. Et ces ondes continues-là pouvaient être émises sans qu'elles s'amortissent au fil du temps. Okay? Donc, Fessenden dépose son brevet en 1901 et c'est seulement en 1905 que les premières communications radio publiques ont lieu, en commençant par les signaux pour dire l'heure, inaugurés par le US Navy, puis repris par la France qui a envoyé ses signaux horaires par la Tour Eiffel. Hein? Ben intéressant. Mm-hmm. Plusieurs bijoutiers de Paris sont devenus dépendants de ce signal-là afin de bien ajuster l'heure de leurs horloges et des montres. Ben oui. Quand même. À la fin du tableau sonore, il sera exactement midi. Exactement. C'est ça. Mais probablement qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus... c'était plus comme genre... Midi. Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point c'était bien, bien... Midi. Midi. T'as un oiseau qui sortait de la tour. Comme voilà. Des pierres à feu, hein? C'est ça. Voilà. Donc, les transmissions radio ont demeuré difficiles jusqu'en 1920 suite au développement du tube électronique. En anglais, on connaît le tube électronique comme vacuum tube. Et, c'est quoi ça, un tube? Un tube. Ça marche pas vraiment. Donc, sont un peu comme, comme on peut retrouver dans les télécathodiques. Et encore de ces tubes-là, ben là, les télécathodiques sont en voie de dispersion. Là, j'ai ressorti la mienne. Hein? Je te jure. Ben tu t'es cassé une hanche. C'est tellement c'est lourd. Sûr. Parenthèse de geek. Parenthèse. Je t'écoute 30 secondes. Ouais. J'avais de la misère à aller écouter Netflix parce que je manquais tout le temps mes affaires sur mes chaînes que je regarde de nouvelles. Je suis même un petit peu accro à ça. T'sais. Fait que là, ben, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux regarder mes nouvelles et Netflix en même temps? Fait que là, après des mois et des mois de réflexion, j'ai sorti ma vieille TV cathodique que j'ai branchée sur le port RCA de ma machine belle. Oh my god! Fait que là, je peux regarder Netflix en HD sur ma grosse TV et par fil rouge, blanc et jaune sur ma petite TV. Les nouvelles. Fait que là, il me reste juste à acheter un meilleur écran, plus petit et moins profond. Puis pouvoir le visser genre sur mon meuble de TV ou genre le mettre debout dessus. Ça va faire comme si j'avais du picture in picture. Tu sais, dans le temps, tu vas regarder une chaîne mais dans le coin de l'écran. Mais t'as pas ça sur ta télévision, toi? Non, qui... les, ils ont plus ça, les télés. Ils ont ben, plus ça. Arrête, arrête. Là. Mes parents ont ça, ils sont achetés une télé l'année dernière. Bon, ils l'ont acheté peut-être plus cher que la plupart des télés à faible budget. Mais non. Peut-être. Mais c'est vraiment pratique, hein, le picture in picture. Oh my god. C'est pour ça, c'est comme une imitation du picture in picture. Mais moi, je suis vraiment geek. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais c'est un petit conseil pour ceux qui cherchent une solution à leur problème. Oui, c'est assez simple. Mais vous pourriez aussi, genre, jouer à des jeux vidéo sur la télé, puis votre blonde chum regarde des sports ou du patinage artistique dans le coin. Même affaire. Toute la même affaire, là. C'est malade! Parenthèse. Il faut retourner des fois à nos sources, hein. Je sais. À savoir la télé cathodique. Et dans le garde-robe, le servez-vous-en. C'est pas mort. Et voilà. Fait que les télé cathodiques utilisent le même tube électronique. Puis c'est des tubes qui sont sous vide et qui comportent un filament, donc une chose qui peut chauffer. Une cathode et une anode. Et aussi, dans certains cas, quand c'est pas, mettons, les dix cathodes, habituellement, dans le cas de la radio, il y a aussi des plaques d'électrodes qui créent de la résistance. Fait que, grosso modo, là, pour vraiment tout rassembler dans un langage compréhensible, lorsque le filament est chauffé à l'aide d'électricité, un peu comme dans une ampoule, la cathode émet des électrons qui sont reçus par l'anode. Ça crée donc un courant électrique dans la même direction. Et les plaques modulent ce courant. Donc, dans le cas de la radio, il y a une modulation de courant à l'aide des plaques qu'on émet. Dans le cas à l'époque, là, les tubes électroniques, il y avait 5 plaques et on appelait ça donc une pentanode. Okay? Mm-hmm. C'était ces tubes électroniques-là qui permettaient de moduler l'onde radio transmise comme ce sont les mêmes tubes qui permettent de démoduler l'onde radio reçue. Donc, il y avait un tube électronique au niveau de l'émetteur, donc la station de radio, disons, puis il y avait un tube électronique au niveau du récepteur, donc l'auditoire avec sa radio chez eux. Par contre, ça faisait des gros émetteurs radio et de gros receveurs radio. C'était des grosses, vraiment des grosses espèces d'ampoules, des gros tubes électroniques. Et la radio à la maison, à cette époque, c'était une grosse machine et c'était pas portatif. Hein? Non. Il a fallu qu'en 1946, le transistor soit développé pour remplacer le tube électronique afin de permettre de rapetisser les modèles de radio et de les rendre portatifs. Les transistors, ça rentre carrément dans la poche d'une chemise, n'importe quoi. Apple, c'est quoi, Nano qui a une radio dedans? C'est minuscule. C'est minuscule. Fait que le transistor agit comme le tube électronique de la même façon, en modulant l'onde à l'émission et en démodulant l'onde à la réception. Alors question. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire moduler? Parce que c'est la question sur toutes les lèvres. C'est à la base des yodelés et des communications radio et de bien d'autres modes de communication. Donc, essentiellement, il s'agit d'une manière de transformer une information en un patron d'ondes. Donc, dans le cas des radios, on appelle ça une onde porteuse. Donc, on ne les voit pas dans l'air, là, mais il y a plein d'ondes qui nous survolent constamment, nous transpercent constamment. Ouais. Puis c'est des ondes porteuses qui portent de l'information. Ce sont des transformations électroniques multiples qui permettent l'envoi de mémos et de la trame de fond en ondes radio que vous percevez. Puis il existe deux manières de moduler le patron d'onde. Soit en amplitude, soit en fréquence, d'où l'existence des ondes AM et des ondes FM. Donc, les ondes AM pour Amplitude Modulation portent des informations dans le changement d'amplitude qu'on effectue à l'aide des transistors. Donc, le transistor va changer l'amplitude en fonction des informations perçues par la voix. C'est des grosses transformations de Fourier mathématiques immenses, là, mais c'est quand même ça. Et les ondes FM pour Frequency Modulation portent des informations dans le changement de fréquence. L'amplitude, on se souvient, une onde, l'amplitude, c'est vraiment la hauteur, disons, de ton espèce de vague. Mettons que tu es à la mer puis tu vois les vagues de plus en plus grosses. Mm-hmm. C'est ça, là, l'amplitude. Si on parle de fréquence, c'est que les ondes ou les vagues sont toujours à la même hauteur, mais sont de plus en plus ou de moins en moins fréquentes. Donc, le nombre d'ondes qui parviennent à nous à la plage à un certain temps donné est augmenté ou réduit, c'est ça la fréquence. Okay. C'est donc dire essentiellement, si on résume, que les ondes AM ont toujours la même fréquence parce que c'est juste leur amplitude qui change et que les ondes FM ont toujours la même amplitude parce que c'est juste leur fréquence qui change. Wow. Et au moment de recevoir ces ondes, par contre, il faut les démoduler parce que c'est pas vrai que nos oreilles peuvent décoder les ondes AM ou FM. De un, on les entend pas, c'est à des fréquences beaucoup trop élevées. Mais c'est ça. C'est pourquoi les stations de radio usant des ondes AM se sont concentrées focusait sur les transmissions d'informations, étant donné que les transmissions AM sont beaucoup plus susceptibles aux interférences que les ondes FM. Mmh. Donc, au moment vraiment là, de démoduler les ondes AM, il y a beaucoup plus d'interférences. Mmh. Et c'est pour ça que nos chères stations AM qui sont trafic, des nouvelles, des sport, ça, circulation, etc., exactement. Ça a du sens parce qu'il y avait de la musique avant sur le AM, puis ça sonnait vraiment mal. C'était tellement pas bon, là, ça faisait plus... Ça sonnait comme quand t'appelles dans une ligne, tu sais, t'as une ligne et puis ils te mettent en attente. Mettons, ça sonne tellement mal, là, dans une boîte de concert. Ouais, tout ça pour se rendre compte que Dan Bigra a quand même la même voix en FM. Et la transmission de musique est donc réservée aux ondes FM de par leur meilleure fidélité du son et aussi la réduction des bruits de fond électroniques tels qu'on le décrit là, là. Par contre, les transmissions FM, juste à titre informatif, là, sont beaucoup plus complexes à moduler et démoduler. On s'entend que pour changer l'amplitude, on a juste besoin... Mettons qu'on était à l'époque ancienne avec les tubes électroniques, on avait juste à augmenter ou diminuer la chaleur, tout simplement pour augmenter ou diminuer le flot d'électrons. FM, là, pour changer la fréquence, ça prend d'autres... un appareillage un petit peu plus spécifique. On n'entrera vraiment pas dans les détails. Mm-hmm. Mais moi, je patine un peu à... Mettons que cette chronique-là était assez challenging. Je ne suis pas physicienne, je ne fais pas de la physique. Tu n'es pas allé jusqu'au XM, hein, radio par satellite. Non, non, c'est ça. Non, ça c'est... Non. Et puis finalement, afin de pouvoir jouer de toute cette technologie, il faut que des individus ou des sociétés transmettent des ondes radio à l'intention du public. Il faut donc pour ça une station radio, que ce soit vraiment, on peut le faire à partir de son véhicule, on peut le faire chez nous, on peut le faire dans une station radio dans un campus universitaire ou les grosses stations radio, Radio Canada par exemple, ou bien Radio X d'autres. Ou Radio autre. Oui, on va toutes les nommer comme ça, il n'y aura pas de char. Il faut tout l'équipement essentiel à la transmission des ondes. Donc, selon le bout de théorie que je vous ai dispensé plus tôt, on aurait donc besoin avant tout d'une source d'information, dans le cas si présent, ma voix. ma voix est ensuite captée par un microphone plein de bactéries probablement du retour sûrement, des fêtes. Oui. Et le microphone a pour fonction de transformer ma voix en électricité. Carrément, c'est ça que ça fait un microphone, si vous ne le saviez pas. Cette électricité en provenance du microphone est modulée par un transmetteur, donc un transistor, on le sait à l'époque aujourd'hui. Et le transistor envoie l'électricité modulée, parce que le transistor module, mettons en FM dans notre cas, à une antenne émettrice. Ici aussi, on a une antenne. Oui. Et oui, on a une antenne. Et l'antenne, puisque l'électricité est un flot d'électrons, on le sait, les électrons vont vibrer en montant le long de la dite antenne. Et ce sont ces vibrations qui créent des ondes électromagnétiques. Fait que c'est vraiment là, en montant le long de l'antenne, ça va vibrer le long de l'antenne, ça va créer carrément là, des ondes électromagnétiques qui vont venir se répandre partout à Trois-Rivières. Oui, il y a bien mal là-dedans parce qu'il y a depuis toujours, il y a ça depuis vraiment longtemps. Il n'y a pas encore eu de preuve de problème de santé avec et ça. Et voilà, il n'y a pas de problème de santé avec ça. On a eu une controverse quand on a augmenté notre fréquence. On relaxe, gang. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années, on l'aurait su. Oui, c'est ça, quelqu'un qui aurait levé la main quelque part. Ouais. Donc, on obtient donc des ondes radio là, par nos antennes qui, du côté de l'auditoire, sont captées lorsqu'un individu s'intonise sur sa radio réceptrice, la bande pensante ou la fréquence de sa station de radio préférée. Là, c'est un peu des synonymes. Par exemple, 89.1 FM et l'antenne réceptrice de sa radio, parce que la radio est aussi munie d'une antenne réceptrice. Des fois, c'est tout petit, mais il y a quand même une antenne réceptrice. Va recevoir des ondes électromagnétiques à la fréquence de la bande passante. Et ces ondes-là vont être ensuite transformées en électricité, puis démodulées par un transistor. Puis, ça va donner de l'information électrique interprétable par des haut-parleurs ou des casques d'écoute. Ben on en est là. Et souvent, l'antenne est dans la paire d'écouteurs. Oui, puis l'arbre est dans ses feuilles, man. C'est ça. Marilyn Doyon, qu'on appelle. C'est ça, exactement. Chef de la chasse-galerie. Et voilà. Et donc, si on va un peu plus loin, à savoir... Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, on s'entend qu'il y a des milliards et des milliards, donc, mais peut-être pas des milliards et des milliards, mettons juste un milliard, d'ondes passantes. En tout temps, là. Ouais, d'ondes porteuses buzzeuses qui nous passent par-dessus la tête. Comment est-ce que ma radio sait laquelle prendre et pourquoi est-ce que notre antenne à C'est fou envoie juste comme des informations perçues par les radios qui sont syntonisées au 89.1 FM? Bien, ça, c'est à cause de ce que j'ai dit plus tôt, la bande passante. Exact. Donc, la bande passante, c'est vraiment la fréquence à laquelle on veut percevoir les ondes porteuses, essentiellement. Et chaque compagnie radio ou chaque individu qui émet des ondes radio peut acheter une part du marché, disons une part des ondes sur une bande de fréquence. Donc à Trois-Rivières, mettons, il y a les ondes au pourtour du 89.1, disons, de mégahertz là, en termes de fréquence. Et il va y avoir d'autres radios avec d'autres ondes que je mentionnerai pas, d'autres bandes passantes. Et c'est nous autres, dans le fond, où on a acheté en tant que société de campus une partie de ces ondes-là afin de pouvoir les transmettre juste à cette bande passante-là. Donc, nous autres, on fait pas frustrer les autres radios en s'amusant à envoyer à d'autres fréquences. On envoie juste à la fréquence qu'on a achetée. Donc, juste à la fréquence qui nous est... Ça peut être très, très mince, parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait encore Radio Ville-Marie 89.9, et le 89.1 et 89.9 se pilaient dessus fois de temps en temps. Ben, c'est pour ça aussi, en changeant de ville, parfois, tu vas avoir un certain grichage où tu vas pogner deux stations en même temps. Et que sur le campus, en tant que tel, des fois, on pogne moins bien le 89.1 sur le FM, parce qu'on est trop proche de l'antenne. Effectivement. Fait que la taille de l'antenne a définitivement un effet, parce qu'il y a des amplificateurs là-dedans, puis pas toutes les antennes, size matters, pas toutes les antennes sont pareilles. Ça dépend de comment tu t'en sers. Exactement. Puis pas toutes les radios vont... Tu sais, comme moi, je suis capable d'entendre le 89.1 FM jusqu'à... je suis presque rendue à Montréal, puis je l'entends encore. Ah, oui. Mais tu sais, rendue à la fin, ça griche. Oui, c'est ça. Il faut dire qu'il y a un autre 89.1 FM à Montréal. Fait qu'éventuellement, à un moment donné, les deux se chevauchent. Il y en a un qui finit par prendre le devant sur l'autre. Oh mon Dieu, c'est sexuel, ton enfant. Oui. Mais oui, essentiellement, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on entend... Et, évidemment, notre radio, lorsqu'on s'intonise à une certaine bande passante, bien, nous autres, on perçoit juste les ondes de cette bande passante-là. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que des ondes radio, des CB, des polices, c'est une autre bande passante. Ah, puis il faut des décodeurs spéciaux, tu sais, parce que notre radio peut juste entendre, mettons, peut juste décoder entre telle et telle fréquence en FM puis telle et telle fréquence en AM. Bref, fait que il y a tout ça là, qui se passe en même temps. Mais c'est pas ça qu'il y a comme une spécificité dans le signal qu'on reçoit dans nos petites autos le matin à 7h57 lorsqu'on écoute 89.1 FM et qu'on n'entend pas les autres. On n'entend pas on les veut autres. Pas entendre les si autres vous entendez raisons. D'autres choses dans votre tête, allez consulter. C'est ça, changez vos presets, c'est ça que ça veut dire. Et voilà. Ces gens font plus, ils twistent plus leurs petits boutons, ils mettent des presets, c'est pas pareil. What? Moi, je twiste tout le temps mes petits boutons. Ouais. Moi, j'ai pas de petits boutons. Oh, c'est bon, ça. T'es rendu une vraie adulte. Ouais. Mais dans ma voiture, il y a pas de boutons. Ah, c'est bizarre ça. Il y a juste des clics. Ouais. Mon Dieu. Je peux pas les tourner. Ah, je peux les pitonner. Ouais, ça, c'est pitonner. Weird. Ça. Ouais. Ça, c'est vraiment. C'est juste celui du volume dans le fond. Est-ce que t'as une fente dans ton auto aussi? Ben oui, parce que j'ai un lecteur cassette. Ah, ok. Ah! Ouais. Pas que t'as un lecteur cassette, toi. Mm-hmm. Elle a une New Beetle. Ouais. Ben, en parlant de cassette, je sais pas, ça a aucun rapport. Mais tu sais, hier, David Bowie est né, puis demain, il est mort, tu sais. OK, pas les mêmes années, là. Ah. Fait que en hommage et en mémoire à ce grand homme, je voulais écouter Station to Station en termes de station de radio. C'est une bonne idée. Ah oui, c'est une bonne idée. Vraiment, j'aime ça. T'as tellement une imagination fertile. C'est fou, hein? Full fertile. C'est Justine Bertil. Bon David Bowie. Thank you. hold on and such is the stuff from where dreams are woven. Bending sound, dredging the ocean, lost in my circle. Yeah. de station en station de Dumas. Avant ça, on entendait le fabuleux, fabuleux, fabuleux et crevé David Bowie avec Station to Station. Non, on va se le dire, il est mort. Je l'adorais. Écoute, j'aurais tellement voulu le voir en spectacle, mais finalement, ça a comme tombé à l'eau, hein? Ben oui. Malheureusement. Hey, hein? Moi puis ma mère, nos plans de se rapprocher en tant que mère et fille, ça a chié dans le coude. Mais oui, voilà. Chié dans le coude. Tout ça de la faute de David Bowie. C'est toute sa faute. Ben, notre rapprochement imminent, non, ça a échoué. Non, c'est pas vrai. C'est juste pour dire qu'on partage passionnément notre amour pour David Bowie, qui nous a quittés l'an dernier, demain, dans le fond, le 10 janvier. Sa fête, c'est d'ailleurs. Ouais. Ouais, ben 71 ans qu'il aurait eu. Et voilà. Bon. Donc, on parlait évidemment ben, de station. On parlait de transmission radio. Ben oui. Hein? De radio. David Bowie. J'ai fait ce jeu de mots-là beaucoup trop souvent. Et voilà. Bowie. Écoute, le bye-bye l'a fait aussi, toutes les Bowie. Ouais, ouais. Et voilà. Bref, merci beaucoup, Justine Renaud. Plaisir. On te retrouve dans deux semaines. Absolument. C'est mieux d'être aussi bon que cette semaine. Mais on l'espère. S'il y a de la neige, c'est sûr que ça va être bon. Oh. Je suis tout le temps bien bonne sous pression, moi. Et avec la neige? Exactement. Il est 7h25, je déneige mon char. Je suis comme, voyons, Colin. Bon. Va te nettoyer le coude, là, où t'as chié un coude. Et on te retrouve dans deux semaines. Merci, Justine Renaud. Absolument. Plaisir. On prend une pause au retour. Marc-Olivier Dumas, qui n'a pas accès à un micro en ce moment, mais qui, j'imagine, vous dirait qu'on parle de sport. Mais oui, évidemment. De quoi on parle tantôt? De sport. De sport. Sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Un sondage de qui? C'est fou. Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? C'est toujours Assemblage requis en ce mardi 9 janvier 2018 à l'Étagne à Baudin. Et Mathieu Plante. Marc-Olivier qui vient de se faire craquer les doigts dans le micro. Oh! Oh, t'as un drôle de voix. Le craquage, j'ai faim. Tu sais, on peut peut-être l'entendre un peu, là. Ça peine. Gargouille fort un petit peu. Ouais. T'as pas déjeuné. C'est ça. C'est le bruit qui recommence qu'on avait en décembre. Si vous étiez avec nous, ils font de la construction des trucs. Directement en dessous de nous. C'est ça. Fait qu'on va entendre ça tout le long du reste de l'émission. Probablement. À ceux qui s'en viennent sur le campus, remarquez le ciel, comment il est bleu. On dirait une carte postale. Oui. Ouh. C'est bon. Mais là, ça commence à s'éclaircir un petit peu plus au loin. C'est moins bleu tempête de pluie. Ouais. Mais bon, ça donne de bons souvenirs du passé où la planète allait mieux. Et on va aussi avoir des souvenirs d'il y a une minute où on a entendu cette chanson dans la publicité de Patriote en action. Voici Sport effiloché. C'est pareil comme dans un peu. Patriote en action. Mais va falloir changer parce que c'est rendu les jeudis midi. Ah, pour vrai? Oui, j'ai cours le jeudi matin. Wow. Patriote en action? Non. Sport effiloché. Voilà. C'est ça. Mais tu as quand même volé le punch de Patriote en action qui va changer de case horaire. On en reparlera à la fin de la chronique, mais quand même, midi, format d'une heure encore? Oui, ça va être le même format. Okay. On change pas à ce niveau-là. C'est juste. J'ai des cours, donc. C'est un peu malaisant. Dire, il faut que je quitte mon cours pour aller à mon émission. Et on est si malléable. Oui. Ben oui. Donc, on parle de sport, que ce soit locaux, nationaux, provinciaux, peu importe. Et il s'est passé sûrement pas mal de choses. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à la mi-décembre peut-être. Ben, il s'est passé plusieurs événements. Au niveau universitaire, ça vient tout juste de recommencer. Mm-hmm. La fin de semaine dernière, les 5-6 janvier dernier. Mm-hmm. D'abord contre Concordia, une belle victoire de 5-4 en prolongation. On parle bien sûr de Patriotes Hockey. Donc, on a reparti de très belle façon. Et le deuxième match, on jouait contre une équipe qui avait notre numéro. On peut dire ça comme ça. Ben, les Paladins de RMC, qui ne sont pas reconnus comme une puissance de la Ligue, avaient battu au mois de novembre 3 fois de suite les Patriots par la marque de 2-1, 4-1 et 2-1. Donc, cette fois-ci, c'est une victoire de 5-4 bon. Des Patriots. Donc, ils sont pas une puissance, mais ils sont tellement gros, là. En termes de shape, comparé aux joueurs des Patriotes, que ça devient du hockey tellement robuste. Là. C'est incroyable. C'est ça, exactement. Mais je veux dire que les Patriotes sont quand même jeunes. Là. C'est des joueurs qui sont peut-être un peu plus petits par rapport à la moyenne de la Ligue. Faut qu'ils jouent beaucoup sur la vitesse, puis quand ça devient trop robuste. Des fois, dans ces matchs-là, sont un petit peu trop portés sur la réplique aussi. Oui, mettons, ouais, vraiment. On se souvient, ces matchs-là, on parle d'une centaine de minutes de pénalité des deux côtés ensemble. Donc, c'est peut-être faire attention à ce niveau-là. Le match de samedi, j'ai pas pu voir le match. Malheureusement, je travaillais. Mais 5-4, une victoire. Et même, on tirait de l'arrière par 2-0. Début qu'on accordait un avantage numérique. On a quand même pris 4 pénalités en début de match. Rapidement au début, on a donné des punitions. Donc, des avantages numériques, pardon. Donc, les Patriots qui s'en tirent bien cette fois-ci. On a quand même lancé 45 fois au filet contre seulement 35. Peut-être la seule ombre au tableau, c'est les 174 partisans qui se sont présentés. Et ouf. Puis samedi, c'est pas une journée qui faisait très laid, là. Faisait juste froid. Ouais, c'est ça. Donc, on verra bien. Prochain match, c'est ce mercredi. Donc, notez la date. Mercredi, c'est les Redmen. Les Redmen qui sont au Colisée. Par la suite, les Patriots seront à Concordia samedi. Concordia visitera mercredi prochain et notez, c'est le premier match du carnaval, le premier happening des Pats, parce qu'on en fait deux cette année. Ah ouais? Oui, parce qu'on se dit, il y a deux matchs qui sont en semaine et les Patriots ont toujours besoin de partisans. Ouais, ouais. Ça, oui. Fait que pourquoi pas en faire deux? Pourquoi pas profiter de la tribune du carnaval pour amener le plus de monde possible? C'est ça, parce qu'on sait que c'est des matchs énormes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là, donc si on le fait deux fois, ben il va peut-être y avoir le même nombre les deux fois. Exactement. Je m'attends, ça va se diviser en deux. C'est ça. Je m'attends à ce qu'il y ait moins de monde lors du premier match, mais lors du 24 contre Ottawa, ça risque d'être plein à craquer. Ouais. Donc, mais on veut maximiser le monde au match des Patriots. Ben, un bon commanditaire et pour le carnaval et pour l'AGE. Donc, pourquoi pas les encourager à notre façon puis amener le plus d'étudiants possible à ces matchs-là, parce que ces gars-là, c'est tout ce qu'ils veulent. Là. C'est du excellent hockey aussi, ceux qui aiment ça. C'est du hockey très, très fort, et ces gars-là, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est un appui de leur université, puis c'est ce qu'on leur propose avec ces matchs-là. Good. Ensuite, dans les nouvelles qui se sont passées, vous avez sûrement vu un peu le championnat du monde junior que le Canada a remporté. Il y a eu une mini-controverse avec ça. Je pense que Tania l'a vu, hein? Ouais. Moi, tu vois que je comprends rien. Je l'ai vu live en plus. Je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, pour te mettre au courant, le Canada a affronté la Suède en finale et ont remporté 3-1 le match. Okay. Donc, on remportait la médaille d'or. Et le capitaine de l'équipe suédoise, quand il a reçu sa médaille, il l'a tout de suite retirée et l'a lancée dans les gradins. OK, pourquoi? Et là, ça fait... Il en voulait pas. Il en voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait celle d'or. Ah, boy! Parce que dans les sports comme ça, à élimination, où il y a une finale, c'est probablement la médaille la moins fun à gagner, la médaille d'argent. Mais tu sais, s'il l'avait lancée dans la foule parce que, bon, je sais pas, il voulait encourager une cause ou passer un commentaire politique, non? Ben, en fait, ça montre juste que le gars, il veut gagner, il a un désir de gagner, et là, il était déçu. Ben, ça s'appelle être un mauvais perdant. Oui, mais c'est ça, je sais pas si l'organisation va faire en sorte qu'il va se passer quelque chose par rapport à ça, comme dans les prochaines années, t'as pas le droit de pitcher ta médaille. Comment est-ce que tu peux... Mais tu sais, je sais pas si c'est mauvais perdant ou un gars qui est vraiment déçu pour tous les efforts qu'il a mis dans les dernières années pour que ça finisse comme ça. Ben, lancer sa médaille dans foule quand t'as pas gagné, pour moi, c'est la définition même de mauvais perdant. Ben, je peux le comprendre en même temps, parce que la médaille d'argent, comme je dis, c'est la médaille la moins fun à gagner. Même la médaille de bronze est plus fun à gagner parce que tu la gagnes sur une victoire. Au final, la médaille d'argent, c'est pas que t'as gagné, c'est que tu perds la médaille d'or. Je sais pas si tu comprends la nuance. Mais tu sais, t'as quand même réussi à te rendre en finale mondiale. Mais tu sais, ton verre est tout le temps à moitié vide, non pas à moitié plein. Surtout que la Suède, c'était comme la deuxième fois qu'elle perdait contre le Canada. Ça fait un bout qu'ils n'ont pas gagné la médaille d'or. Mais c'est juste sur le coup. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes sur le long terme, c'est préférable gagner l'argent que le bronze. Mais au moment que ça arrive, au moment de la défaite, le jour de la remise des médailles, t'en veux pas la médaille d'argent, tu veux celle d'or, puis tu l'as pas eu. je comprends. La médaille d'argent, elle a comme un goût amer parce que t'as perdu la finale, alors que l'autre, t'as gagné ta médaille de bronze. Je sais pas si tu vois la petite nuance. Je comprends la frustration en tant qu'athlète, mais envers l'organisation puis envers le championnat, mettons, je trouve que c'est quasiment un manque de respect que d'avoir fait ça. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est un manque de respect, je trouve. C'est sûr, mais tu sais, faut comprendre aussi en même temps, le jeune, tu sais, ces gars-là, ils ont 20 ans, ils ont mis beaucoup d'efforts là-dedans, je peux les comprendre. C'est un peu, si je me trompe pas, c'est Eric Carlson, après sa médaille d'argent aux Olympiques, il l'a mis sur eBay, il avouait pas sa médaille. Ben ça, c'est correct, au moins il l'a gardé pendant au moins le protocole de la cérémonie. C'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, ces gars-là ont un peu plus de maturité aussi, là, il est rendu à 30 ans. Oui, tout à fait. Fait que c'est peut-être là la nuance. Je dis pas que c'est un geste qui devrait être fait. C'est le capitaine, je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on en a beaucoup entendu parler aussi. C'est que c'est le capitaine de la Suède. Oui. C'est le premier à la recevoir. C'est le premier à aller la pitcher dans la foule. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais il y avait une remise de trophée aussi à ce joueur-là par la suite. Et il y avait des gens qui tenaient le trophée. Comme on a voulu s'assurer qu'il allait pas le pitcher nulle part. Il était menotté à une table. Quasiment, tu sais. C'est... Mais c'est quand même un moment cocasse de ce championnat-là. Je dis pas que c'est excusable comme geste, mais c'est comprenable. Je pense qu'il voulait faire parler de lui. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une frustration. Je pense que, tu sais, comme je te dis, ces gars-là, ils mettent tellement d'efforts là-dedans. Là. Ça fait des années qu'ils jouent au hockey, qu'ils se pratiquent, qu'ils s'entraînent. Puis l'équipe suédoise, c'est pas le même format que l'équipe canadienne. L'équipe canadienne vont prendre les joueurs au début de l'été, ils vont faire un camp de perfectionnement. Après ça, souvent, les équipes européennes, ils vont monter les joueurs ensemble. Ils vont créer une équipe dès leur plus jeune âge, puis ils vont les garder ensemble au sein même de l'équipe. Fait que c'est un modèle qui est complètement différent. Ouais. Souvent, ces équipes-là ont un peu plus de chimie, justement, que les équipes canadiennes ou américaines parce qu'ils travaillent ensemble. Puis ça paraît aussi dans les résultats. L'équipe suédoise n'a pas perdu un match dans la ronde préliminaire depuis 6 ans, si je me trompe pas. Non, mais celle-là, ils l'ont perdu parce qu'ils n'étaient pas assez bons, c'est ce que je te dis. Mais c'est pas une question. Non. Ben, c'est des équipes comme l'équipe canadienne, ben, les matchs de première ronde, ils servent surtout pour développer une chimie. Ouais. Ils essayent beaucoup de choses, puis quand ils arrivent dans la ronde des médailles, c'est là que ça commence à être sérieux. Mais si le Canada gagne, il me semble qu'il mérite la victoire, puis l'autre devrait respecter le fait que les Canadiens ont gagné. En tout cas, bref. Ben, il respectait le fait. C'est vraiment de la déception, en fait, de pas avoir réussi à se rendre en première place. C'est ça. De ce côté-là, tu sais, je pense que oui, c'est, tu sais, le fait d'être déçu, c'est excusable. C'est ça. C'est le geste. Ben c'est en fait, le manque de respect. La prochaine fois, il va-tu amener son petit fourneau pour faire fondre l'argent directement devant les gens? Ces médailles-là, ça vaut quand même très, très cher. Hein? Eh oui. C'est pas une médaille olympique, mais je sais que ça a quand même une certaine valeur. Mais quand même, le geste n'est pas excusable, mais comprenable. Puis, tu sais, il y a une montée de l'aide de beaucoup de personnes que je me dis, attends une minute, là. Je veux dire, vous auriez été dans la même situation de frustration, il y en a quelques-uns qui auraient probablement fait la même chose. Là. Je pense que c'est Max Pacioretty qui a dit qu'il comprenait le geste du jeune. Puis moi aussi, je le comprends. Pour avoir fait du sport plusieurs fois, puis pour avoir perdu des finales, c'est plate. Puis peu importe le prix qu'il donne, tu le veux pas. Tu dis, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas eu la victoire. Puis c'est là, cette mentalité-là, c'est une mentalité plus compétitive, que t'as pas, Mathieu. Toi, tu dois être du genre à la fin, tu sais, tout le monde va serrer la main, toi, tu te passes la main dans les cheveux, c'est ça? Non, quand même pas, là. T'sais, non, parce que au n'importe quel sport, je pense qu'il y a cette espèce de côté respect-là. Il a serré la main de l'équipe Canada. Okay. Ça a été fait. T'sais, c'est vraiment le geste de ne pas vouloir lui-même accepter la deuxième position. Ça. T'sais, l'esprit sportif est là. Le seul temps que je vais refuser de serrer la main à quelqu'un, c'est quand il a joué salaud ou quoi de genre. Ça, c'est une autre histoire. Mais je refuserai pas de serrer la main à une équipe qui m'a battu. Je veux dire, on fait du sport, on accepte qu'il y en a un des deux qui va perdre. Automatiquement. Sauf que quand c'est dans un match avec autant d'émotions, ben des fois l'émotion prend un peu le dessus, puis ce prix-là, parce qu'au final c'est un prix de consolation, là, c'est comme ça qu'ils le voient, ben, t'en veux pas. Mais d'abord, à la place, ils devraient juste pas leur donner une médaille, puis c'est tout. ils en mettront dans une boîte, puis ceux qui en veulent une, ils iront en chercher. C'est ça, ils vont la shipper à la fin du tournoi. Exactement. Là, c'est aux États-Unis, ils vont shipper ça en Suède, ça va coûter. Coupe de milliers de dollars. Mais belle prestation de Team Canada, pareil. Oui. C'est incroyable. Le seul hic de ce tournoi-là, je dirais, c'est peut-être le match à l'extérieur. C'est le genre de match qui n'a pas sa place dans un petit tournoi comme ça. On fait des gros événements avec ça encore, avec la classique hivernale à chaque année. Puis bon, au final, moi, c'est rendu un match normal. Oui, c'est ça. Tu sais, arrêter de faire la grosse affaire. C'est cool qu'ils jouent dehors, on retourne aux racines du hockey. OK, c'est bien plaisant. Mais qu'on arrête de faire le gros événement. Puis dans un match de tournoi comme ça, Ben, je sais pas. Tu sais, c'était cool, là, l'uniforme de l'équipe américaine qui ressemblait à l'uniforme des Bills de Buffalo. Tu sais, toute la petite pensée par rapport à ça. Mais j'aurais pas voulu être à Buffalo ce jour-là. Ouais, non. C'était des conditions en plus extrêmement froides, si je me souviens bien. Il faisait froid, il neigeait, puis le match, au lieu de durer 2h15 qui aurait dû durer, il a duré 3h15 parce qu'à tous les 15 minutes à peu près, il prenait 10 minutes pour enlever la neige sur la patinoire. T'sais, c'était un peu désagréable, autant pour le téléspectateur que pour ceux qui étaient sur place, qui devaient geler les fesses carrément. Les seuls qui devaient être au chaud, c'est les joueurs. Ouais. Fait que, tu sais, là-dessus, c'est peut-être un peu plate. C'est le fun comme événement. Ils ont vécu un match d'or, OK. Mais dans ce genre de tournoi-là, ben, c'est que ça change la donne un peu. Tu sais, là, c'est Canada-États-Unis. On le savait que ce match-là n'a pas eu d'incidence au final, là. Mm-hmm. Parce que le Canada était pratiquement sûr de finir premier déjà rendu à ce match-là parce qu'il restait juste le Danemark à affronter. Les États-Unis avaient perdu un match. Donc, ça n'avait pas vraiment d'incidence. Sauf que si ça avait eu à avoir une incidence, puis le Canada avait dû passer la Suède en demi-finale à la place. Mais là, peut-être qu'on aurait entendu un peu plus de chiolage par rapport à un match extérieur qui vient changer la donne parce que ça change les conditions. Fait que c'est peut-être la seule nuance. Et finalement, ça va être une chronique très courte parce que mon cours commence dans 2 minutes et je vais être en retard. On est à 31 jours. Oh, les Olympiques! 31 jours! Ça sent l'hiver! Et oui, Wikipédia, présentement, est complètement sous. Il me dit qu'on est à 35 jours du 9 février. Oh! Ah! Ça va pas bien. Fait qu'on devrait pas se fier à ça. Ben non, c'est le 9 février, la cérémonie d'ouverture, et si mon calendrier est bon, on est le 9 janvier. Pas mal, ouais. Donc, c'est l'ouverture des Jeux olympiques, et je commence à être un peu excité, là. 2018 vraiment. Arrive, et je pense qu'il y a certains athlètes aussi qui doivent commencer à être excités. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de patinage de vitesse courte piste. Ouh! Parce que je garde la longue piste pour la semaine prochaine. Oui. Ben oui. Plus c'est long, mieux c'est, hein. Dépend comment ça s'en sert. Je faisais pas référence à ça. Donc, patinage courte piste, c'est une des épreuves où on a le plus d'espoir de médailles, en fait, avec des Charles Hamelin, Marianne Saint-Gelais et toute l'équipe qui est en arrière. Samuel Girard, qui n'est pas notre chroniqueur ici. J'ai spécifié. Oui, c'est ça. Et bon, cette épreuve, contrairement au patinage longue piste, où chacun a leur corridor et font un peu une course contre la montre, ça, c'est les 4, 5, des fois 6, dans de très rares occasions, sont sur la même piste, la même petite piste, la grosseur de un petit peu plus grosse qu'une patinoire de hockey, et tournent en rond dans une course. Et souvent, ce qui est particulier de cette épreuve-là, c'est que dans les tentatives de dépassement, des fois, il y a des accrochages, ouais. Et ouais. Des fois, il y a des chutes, et des fois, c'est... Est-ce que ça saigne? C'est des lames, quand même, mes patins? J'ai déjà vu des blessures. Ouais. Ça peut être assez grave, mais souvent, à ce niveau-là, sont quand même capables de tomber... Avec grâce. Sans dire avec grâce, mais sans vraiment être un danger pour les autres. Tu rentres dans la bande pareil, là. Oui, c'est ça. Il y a eu des commotions cérébrales. Ça va être des bandes de mousse. Ça peut quand même faire mal, là. Je veux dire, ces patineurs-là, dans les lignes droites, sont capables d'aller chercher des 35, 40, 45 km/h facilement, là. Puis c'est pas long, la ligne droite, là. On dirait qu'ils sont tout le temps en train de tourner. Oui, c'est ça. Mais ils auraient tellement de tournis à la fin de ça. C'est des patineurs très, très rapides. Puis s'il y a une chute juste avant un virage, quand ils sont à la vitesse maximale, ça peut faire quand même un gros choc quand ils rentrent dans la bande. Et c'est ça qui est particulier de cette épreuve-là, c'est que c'est des dépassements, qu'il peut y avoir des tentatives. Fait que le départ est très, très important parce que celui qui est en tête, souvent, a un avantage stratégique. Les autres peuvent essayer de dépasser, mais s'ils donnent pas d'occasion, c'est un peu comme en voiture automobile, en course automobile, même si tu as une voiture un peu moins vite, c'est possible de rester en tête si tu es capable de bien protéger ta position. C'est un peu le même principe. Les puissances à ce niveau-là, il y a la Chine, bien entendu, qui est toujours une grande rivale du Canada. Les Américains, de temps en temps, les Coréens, Corée du Sud aussi, sont très, très forts en patinage de vitesse. Les Néerlandais aussi, quoique eux autres, c'est beaucoup plus sur la longue piste. Mais il va y avoir des très, très belles courses. Et attendez-vous à quelques médailles du côté canadien, en particulier Charles Hamelin, Marianne Saint-Gelais. Samuel Girard pourrait peut-être venir brouiller les cartes aussi. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a le 500 mètres, il y a le 1000, 1500, 3000 mètres, le relais. Donc, il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de chances de médailles, autant masculin que féminin. Et en fait, la seule peur peut-être pour ces athlètes-là, c'est de tomber dans les rondes préliminaires. Ouais. Parce que ça arrive. C'est arrivé plusieurs c'est fois. C'est Marianne qui est tombée la dernière fois, je pense. Oui, là, plusieurs années. Ouais. Là, en 2002, il y avait un Marc Gagnon qui était le meilleur au monde. Ouais, ouais. Qui était tombé, je pense, dans la deuxième course, dans sa deuxième vague, qui l'avait sorti carrément. C'était ses derniers Olympiques. Il avait jamais gagné l'or olympique. C'était le favori, puis avec sa chute... Puis des fois, c'est juste l'autre qui chute puis qui t'amène dans sa chute. Il n'y a rien que tu peux faire. Parfois, les arbitres sont... Ils comprennent, ils vont être tolérants, ils vont faire avancer. C'est dans ce genre de situation-là qu'on peut avoir 5 ou 6 participants. Mais là, quand on tombe 5 ou 6 sur une petite piste comme ça, des fois, ça fout un peu plus le bordel, comme on dit. Donc, c'est une épreuve qui est toujours intéressante. On a toujours des espoirs de médailles. Ça va être à surveiller. Oui, 9 février. 9 février que ça commence. Ben, c'est la cérémonie d'ouverture. Il n'y aura pas d'épreuve ce jour-là. Le 10 février, ça commence pour vrai. Et j'ai bien hâte de voir que la Russie ne gagnera pas les Jeux Olympiques. Non, c'est ça. J'espère. Ben, ils peuvent pas. La Russie ne peut pas. Ils peuvent au hockey, par contre. Oui, mais la Russie ne peut pas. Le pays Russie, c'est pas gagner. Le pays neutre pourrait gagner en fait les Olympiques. Les athlètes olympiques de Russie pourraient gagner au hockey, mais la Russie ne peut pas gagner au hockey. Voilà, c'est compris ça, c'est compris. Exactement. On va suivre ça avec toi. J'imagine même qu'on va peut-être parler des Jeux olympiques en temps réel rendus là en février. Ben, c'est sûr. Probablement. Merci beaucoup, Marc-Olivier Dumas. Bon cours. Merci. Bye. Bye. Il va sauter de sa chaise c'est pour sûr. Aller à son cours. Pauvre gars. On prend une pause au retour. Voilà l'Afrique avec Dominique Dot Mavungu. Le qui de toi aujourd'hui, assemblage de qui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 9 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques secondes, ce sera Voix d'Afrique avec Dominique Note Mavungu. Mais avant ça, on écoute Wolf Parade. Voici Valley Boy. Wolf Parade dans Sablage Ricky. C'est excellent, cette chanson-là. C'est vraiment très... On ne l'a pas entendu souvent. Non, mais... avant les fêtes, je crois. Résolution, jouer plus de musique encore. On adore ça. Nos auditeurs adorent ça. Et voilà. Ça nous a fait... ça a fait patienter Dominique Nomabougou. Par contre, tantôt, pour vrai, il restait comme 30 secondes avant, avant qu'on arrive en onde. Il n'était pas encore placé, toi non plus. Fait que je me suis dit, je vais mettre une autre tune. Mais finalement, il était prêt. Ah. Oh. Mais bon, ça nous a donné l'opportunité d'entendre la bonne musique en même temps. Tout à fait. Oui, j'ai dit Dominique Nomabougou. Voici Voix d'Afrique. Dominique Nomabougou qui est là avec nous chaque semaine et maintenant de retour pour 2018 pour parler de tout ce qui se passe en Afrique, sur le grand continent africain, en culture, en art, c'est la même affaire ça, en électronique, en business, en mode, en cinéma, en musique. Musique. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Twitter. Il manque Snapchat. Pas grand-chose. Instagram. Instagram. C'est vrai, les comptes Instagram. Et de quoi on est-ce qu'on parle? On a fait le tour, Dom? Oui, je pense que vous avez bien fait. Vous avez bien résumé ça. On peut le laisser parler aussi. Ben parce oui, que, aussi. Hein, date, on est là, tais-toi, on... Mathieu. Tais-toi. Salut, Dominique. Je pense que vous avez bien fait ça. Vous avez bien résumé. Fait que tu peux t'en aller, c'est ça. Je vais m'en aller, je vais vous laisser faire ça. Non, on n'est rien sans toi dans cette chronique-là. On a plusieurs sujets à explorer avec toi. Par quoi est-ce qu'on commence? Mais là, on va commencer déjà au niveau du sport un peu. Parce que dernièrement, il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or africain. Mm-hmm. Et puis, il a été remporté, ça c'est au niveau du soccer, il a été remporté par un Égyptien qui s'appelle Mohamed Salah. Mm-hmm. C'est un joueur qui joue en Angleterre pour le club de Liverpool FC. Lui, quand il veut faire un but, il dit « Mohamed Salah » dans le panier, dans le fil. Dans le panier de soccer. Oui, on voit que Mathieu, il suit beaucoup le sport à RDS ou peu importe la chaîne. Non, je pense qu'il dirait plus dans les filets. Bon, en fait, ce qui a valu qu'il soit nominé, c'est parce qu'il a vraiment fait une bonne saison, surtout sur les derniers mois. Il a scoré beaucoup de buts assez importants aussi pour son équipe. Et puis, ça leur permet d'être quand même bien classé et puis d'avoir d'espérer encore aller en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et cette saison, ils sont toujours aussi en Ligue des Champions. Et puis, bon, là, il a été premier devant deux autres qui sont le Sénégalais Sadio Mané. Lui aussi, c'est un très bon footballeur. C'est un de ses coéquipiers aussi au club de Liverpool, aussi en Angleterre. Et le troisième, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'était le troisième lauréat, en fait, qui était sur le podium aussi. Lui, c'est un Gabonais. Je pense que j'ai parlé de lui à la dernière émission. Je disais qu'il avait des coupes de cheveux qui étaient assez reconnaissables et qu'il était assez rapide aussi. Donc, c'est lui le second lauréat aussi du Ballon d'Or africain. En tout cas, la cérémonie, c'est une belle cérémonie aussi. Et ça, en fait, ça récompense un peu de tout. Genre le meilleur joueur, peut-être aussi le meilleur passeur ou bien des fois le meilleur buteur. C'est une grosse cérémonie. Et puis dans laquelle chacun aussi... Chaque footballeur reçoit quelque chose. Mais l'année passée, celui qui avait gagné, il s'appelait Riyad Mahrez. C'était un Algérien. Il évolue aussi lui aussi en Angleterre. Et ce qui lui avait valu de gagner, c'est parce qu'il avait vraiment aidé son équipe à finir champion d'Angleterre. Alors que c'était vraiment... Ils ont créé vraiment la surprise cette année. Parce que c'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là à être premier du championnat d'Angleterre et tout. Et bon, en tout cas, c'est un joueur qui a vraiment contribué à ça, en tout cas. Donc on dit une félicitation à Momo Salah pour cette année et puis on espère que l'année prochaine il continuera que sur cette année, parce qu'on s'entend que en Angleterre le championnat il est quand même difficile et il est beaucoup physique et c'est vraiment dur de pouvoir maintenir son niveau pendant deux saisons consécutives en fait. Donc parce que c'est rare, moi j'ai, en tout cas depuis que je regarde, j'ai rarement vu une personne remporter deux fois de suite en Angleterre de distinctions. Ballon d'Or africain, il y en a plusieurs qui ont gagné à plusieurs reprises en fait consécutivement. Didier Drogba, je pense Samuel Eto'o aussi, Yaya Touré aussi ont gagné plusieurs années en fait consécutives la distinction. Mais depuis quelques années, c'est rare qu'une personne gagne deux fois en fait de suite et tout, parce que c'est dur d'être constant en fait, de garder sa forme physique constante. Et donc ça, c'était un mot aussi au niveau, c'était un mot pour le niveau du football. Et on va parler un peu de, on reste toujours dans le domaine du football, mais accompagné à la politique un peu. Parce que je vous avais parlé la dernière fois de George Weah, qui était un ancien footballeur libérien et qui aujourd'hui il est président du Libéria. Donc c'est en tout cas, je pense que ça a été un événement qui a été peut-être salué par beaucoup de personnes et tout, tu vois, parce que je trouve que c'est quand même rare de voir ça, une personne qui n'a pas forcément de background scolaire et tout, qui était un joueur de foot, qui n'a pas forcément plus d'éducation ni de diplôme que ça. Et là, il réussit quand même à être aujourd'hui président de la République. Moi, je pense que c'est quelque chose à saluer. Oui, ben, tu peux aussi être vedette de télé-réalité et devenir aussi président des États-Unis. Aussi. Aussi. Enfin, c'est la même affaire. Mais non, écoute, mais on n'osait pas le dire comme ça, mais ça, maintenant que t'en parles. S'il y a du talent là-dedans, tant mieux pour lui. Ben, en politique? Oui, en politique, ouais, c'est ça. Bon, et tant mieux aux gens qui ont voté pour lui aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bon, cela, ça reste à voir aussi. Hein. Ça reste à voir. Ouais. On n'a pas encore les preuves de son talent. De ce talent-là, pour le moment, il est élu, mais de ce que j'avais vu, il semblait avoir un bon projet, en tout cas. Ouais. Il voulait beaucoup se baser sur l'agriculture et essayer de transformer les matières premières plus du côté même du Libéria, même qu'il puisse transformer ça là-bas. Donc moi, je pense que c'est aussi une bonne initiative, parce que c'est un peu compliqué quand même de toujours exporter peut-être les matières premières sans les faire une première transformation préalable, parce que ça fait que tu peux pas les vendre beaucoup à un prix beaucoup plus élevé en fait, parce que cela, c'est vraiment que des matières premières et ça sera aux personnes qui vont les acheter de transformer, de faire ce qu'il faut faire par la suite. Donc ça fait que ça baisse un peu le prix. Donc lui, il avait pour projet d'essayer de suivre l'exemple de certains pays, c'est comme le Ghana et le Nigeria, qui ont essayé de beaucoup se, comment dirais-je, qui ont essayé beaucoup de s'industrialiser et qui en ce moment ils gagnent beaucoup de revenus intéressants avec ça en fait. Et donc lui, c'est le projet qu'il a pour son pays, le Libéria et tout, et puis on espère que aussi les personnes aussi vont l'aider dans sa tâche, parce que si on ne lui facilite pas la tâche aussi, c'est sûr que c'est compliqué, qu'il n'y a pas les... Ben c'est ça, en tant que tel, c'est pas un politicien, donc il faut qu'il soit bien entouré. Oui, voilà. C'est ça. Il faut qu'il soit bien entouré pour qu'il puisse mener à bien. Il ne faut pas qu'il arrive et puis qu'il change d'idée ou bien qu'il se détourne un peu des objectifs qu'il avait prévus. Ah, c'est trop difficile, je vais faire d'autres choses. On veut se rendre dans nos buts. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est comme au soccer. Comme au soccer, mais on espère dans qu'il aura... Dans le panier. Exactement. Oui, c'est ça. Qu'il aura une carrière de soccer aussi une carrière de président aussi à la hauteur de sa carrière de footballeur, parce que pour rappel, c'est quand même le seul africain ballon d'or quand même depuis la création du ballon d'or. Il n'y a jamais eu un seul, mis à part lui en fait. Et ce qui est le fun, la twist là-dedans, c'est qu'il s'engage à faire toute sa présidence sans les mains. Il va juste signer des contrats avec les pieds. Comme au soccer, ouais. Oh boy. Ouais. Okay. En tout cas. C'est ça, exactement. C'était bien exactement. Dit. Exactement, je ne sais pas le dire, mais. En tout cas. C'était parfait, ça. Donc. Bon, on va passer, on va parler d'un autre sujet. Là, on va partir un peu au Kenya, où une ONG a mis en place un revenu universel. Et en fait, en ce moment, cette ONG, elle essaie de tester un concept qu'elle a appelé le revenu universel, c'est-à-dire en versant la somme de... Elle avait commencé d'abord, dans un premier temps, par verser la somme de 25 euros à des foyers qu'elle avait choisis, qui étaient ciblés au Kenya, et de voir un peu l'impact que ça avait sur leurs conditions de vie et puis sur comment ça modifiait leur quotidien. Pour établir un petit peu un plancher, personne ne peut être en dessous de ça. Okay. Et là, ce que ça a donné, c'est que la famille, elle a commencé à déjà... C'était 25 euros quand même, mais au Kenya, ça représentait, je sais pas combien de shillings, près de 2000. Et ça a vraiment permis à cette famille de pouvoir hausser quand même son... Ben on s'entend que c'était quand même une famille rurale, mm-hmm, qui vivait plus dans la campagne et autres. Mais ce revenu universel, là, quand il était à 25, ça leur a permis de réellement hausser leur niveau de vie, ils ont commencé à pouvoir s'acheter plus facilement de la viande, mm-hmm, plus facile, et ils ont même commencé à, le mari, il avait commencé à la suite de ça à faire aussi de l'élevage de bétail et tout, il avait, mm-hmm, commencé à agrandir sa ferme, à agrandir aussi son habitation, et ensuite là ils vont renouveler le projet, à essayer de le mettre à 50€ et voir les répercussions que ça aura sur un foyer et puis... Mais encore seulement sur des familles sélectionnées, c'est ça? Oui, là pour le moment, okay, c'est quand même un échantillon parce que c'est vraiment c'est un test. C'est comme c'est une ONG aussi, c'est vraiment des moyens, je me dis que c'est des moyens privés. Mm-hmm. Donc ça reste quand même un peu difficile si, pour donner ça. C'est pas le gouvernement. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ça peut être compliqué de que tout le monde puisse avoir ça et tout. Ouais. Donc mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que c'est un concept qui devrait être repris quoi, par beaucoup de pays aussi, genre en Afrique et tout, parce que c'est vraiment très intéressant et puis ça aide à améliorer les conditions de vie de nos populations. Je pense que si on avait un revenu peut-être moyen, ça, universel, moyen, ça peut être intéressant. Et puis ça veut dire que personne ne commence vraiment à zéro. Ouais. Donc tu commences au moins avec quelque chose et tout pour au moins... essayer. Parce qu'il faut se dire qu'il n'y a pas réellement d'allocation quoi. Comme par exemple, je peux prendre ici, où les allocations sont quand même présentes pour peut-être venir en aide ou subvention aux familles. Bon, peut-être en Afrique, bon, dans la majeure des pays, bon, que je connais en tout cas la majeure partie, je ne pense pas qu'il y ait d'allocations. Ou bien s'il y en a, ça doit être vraiment des montants qui sont quand même assez minimes. Et puis, mmh, il doit y avoir aussi des conditions et tout. Donc, peut-être un revenu universel, ça peut être aussi une bonne idée aussi pour permettre aux personnes de pouvoir peut-être se retrouver et puis améliorer leurs conditions de vie en tout cas. Absolument. Et donc c'était ça, là c'était pour vous parler du revenu universel. Et ensuite je vais terminer déjà en parlant de musique aussi. Mm-hmm. Voilà, parce que là récemment c'était les fêtes, donc il y a eu beaucoup de concerts et tout sur le continent en particulier. Bon, il peut prendre l'exemple en Afrique de l'Ouest au Nigeria. Il y avait deux gros concerts de Wizkids et de Davido. Ils ont fait ça peut-être à des semaines d'intervalle, mettons genre la semaine d'après. Et Wizkids et Davido, je pense que c'est les deux plus gros artistes du Nigeria et tout. Et donc ils ont fait vraiment deux gros concerts et c'était vraiment des concerts à l'américaine et tout. Ils avaient invité, eux-mêmes ils étaient guests et... Ils étaient artistes aussi et ils ont fait venir aussi d'autres artistes à leur concert. Donc près d'une dizaine d'artistes qui venaient prester chacune une chanson et tout ça. Et donc le public a vraiment été intéressé par ça et puis a passé réellement un bon moment. Bon, moi j'étais pas dans le public, j'ai juste regardé les vidéos, mais c'était comme si j'étais dans le public quoi. Mmh. j'ai trouvé ça intéressant. Et puis pendant le concert, celui de Wizkid, il a invité Davido, qui est un autre artiste du Nigeria aussi, qui est lui aussi autant célèbre que lui en fait. Et bon, c'était un plaisir pour les fans de là-bas parce que bon, certains disaient qu'il y a un beef un peu entre eux, que les deux se parlent pas, ah, bien, oui, okay, qu'ils sont un peu à part. Bon, et pourtant lors du concert, on les a vus tous les deux sur le plateau et ils ont fait le show ensemble, ils ont fait les prestations ensemble et autres. Et c'était vraiment pour le plus grand plaisir du public et puis pour ceux qui regardent. Et moi j'ai trouvé que c'est un bon exemple en tout cas pour les artistes africains, tu vois, parce que il existe quand même beaucoup de clash quand même entre certains artistes et ça fait quand même plaisir de voir des fois des artistes d'un pays qui sont quand même assez connus de travailler plus ensemble, tu vois, parce que bon, ce qu'on remarque c'est que généralement chacun va travailler de son côté. Mais ça reste bon, après c'est une carrière musicale, on n'est pas obligé de travailler tous ensemble, mais quand chacun travaille on fait aussi souvent certaines choses ensemble, ça permet aussi de renforcer l'intérêt du public, mm-hmm, sur la musique locale et autres en fait. Donc je me dis que si les deux plus grands artistes du pays font des trucs ensemble, donc ça fait encore, ils concentrent toutes leurs suiveurs ou bien leurs followers, pardon, ouais, sur le pays et tout, et puis donc ça ça peut donner aussi une exposition à d'autres artistes aussi qui sont de leur milieu aussi ou bien d'autres amis à eux. Que ça fait comme bon, je sais pas si je peux parler de cartel dans ce temps-là, mais s'il y avait plus un bon regroupement, une association forte des artistes peut-être locaux africains et tout, je pense que peut-être le public allait plus s'intéresser à écouter leur musique locale que plutôt une musique peut-être d'ailleurs et tout. Pas qu'il le public écoutera toujours des musiques d'ailleurs, mais ouais, va privilégier va privilégier d'écouter des musiques locales et autres. Donc je pense que ça pourrait être aussi intéressant de faire ça en fait pour les autres artistes et tout. Et puis voilà, pour 2018 en tout cas, là il y a quelques nouveaux sons en tout cas côté musical toujours qui vont arriver de plusieurs artistes que moi je suis ici. Bon, je peux parler aussi de Kiff No Beat aussi, qui est un groupe de rap ivoirien qui a prévu en tout cas cette année faire sortir aussi un album. Et puis il y a en tout cas quelques rappeurs aussi qui seront peut-être à suivre, comme par exemple que moi j'ai connu 2X, eux aussi ce sont des rappeurs ivoiriens et tout. Et en tout cas c'est des jeunes et tout, ils font un peu de la trap musique. Et puis mais c'est un peu cloud rap en fait. Cloud rap en fait, c'est un concept qui vient de France et c'est PNL. C'est un groupe de rap en France en ce moment qui a, en tout cas l'année passée 2017, qui a beaucoup cartonné en fait. Et c'est eux qui sont venus avec ce style-là, rap atmosphérique, un truc comme ah, ça. C'est, oui, je comprends. C'est vraiment sur des... C'est différent quoi. Planant c'est un petit peu. Si, ça. Si, ouais, c'est exactement okay. ça. Donc eux aussi, ils reprennent ça un peu, ce groupe-là, 2X. Ils ont une chanson qui s'appelle d'ailleurs Noir. Je crois que ça c'est leur dernière chanson. 2X, t'écris ça avec 2X? Ouais, j'écris 2X et noir c'est N. Le mot 2, non? Ouais, 2X. Ben non, le chiffre. Ah, le chiffre, ok. 2X. Ben oui. Et ben oui, noir N-W-A-R. C'est ça. C'est juste pour m'aider, hein, c'est pas noir-noir, c'est noir-noir. Hein. C'est ça, c'est un jeu de mots et tout. Donc, ben, en tout cas, moi je pense que c'est. Et puis il y a d'autres aussi, il y a 8 Guns aussi qui avait fait sortir une mixtape en 2017 et puis qui est un artiste en tout cas à suivre en 2018. Oui, je me rappelle qu'on avait écouté de ça ensemble. C'est ça. Et ainsi que d'autres artistes et tout qu'on aura l'opportunité de découvrir tout au long de cette année. De semaine en semaine. De semaine en semaine. C'est génial. Donc c'est ça. On va terminer Voix d'Afrique sur ça, sur 2X noir. On écoute ça. Merci beaucoup, Dominique Nodmavungu. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis matins à 8h30. Ouais, c'est comme moi. Ouais, non, c'est bon. Ouais, il est temps, ouais. Oui, pense-moi. Ouais. Y'a feuille. L'osman pirate, c'est la mafia. Et moi, Richie on the beats. Dans ma tête le monde devient parallèle. Je veux la baiser, ça c'est pas halal. Je veux des enfants faits d'une brésilienne. Plat préparé par une mexicaine. Ces jeux n'en sont pas comme nous. Au Barça qu'on veut comme nous. Tu prépares des trucs chelous. Tu armé sous la chetou. Mes émotions se transforment en sentiments. Je te l'avoue pétasse toi tu crois que je mens. Je me suis toutes les prods en essai seulement. Si je coule une lame par toi c'est pas le moment. J'enchaîne des malheurs c'est le génocide. Garde la dette au jamais je t'aime aussi. Pour des feats même les grands ça négocie. Juste baiser crois pas que je t'aime aussi. Aide de tous les noms ta meuf d'un sur mes sons. Ils font la mal à ces PD non au cœur on appelle les mal à nous. Soit c'est qu'en le moment je peux rafler sans arrêt. Les gros de monde s'entourent maintenant. Mes flots de tourmente, je vais tous les remonter. À Grand du Nord comme Seigneur en pleine remontée. Parle de moi, je ferai que vous demandez. Ça pue la mer car les textes y sont démodés. Mon arrivée symbolise ta fin. Je me baigne dans le sang, j'en ai sur les mains. Si demain je perds, je perce avec les miens. Je t'ai jamais connu, tu m'apportais rien. On se barre au Brésil pour faire un pilier. Plein de sexe, rien n'hésite pas à appeler. M.O.R.A, je vais tous les dépasser. Ils ont le mal de vue, je serai là pour les soigner. Dans la visée, tout reste noir. Mais mes refrains n'acceptent plus de me voir. Je suis un homme fort, d'accord, je dois y croire. T'es l'ennemi et moi, je reste la proie. Sur une croix ils voudront tous me voir. J'encule le monde dans ton corps et la loi. Si Pinéline finir et je me noie. Parle de moi jamais je parle de toi. Non. Je parle de toi, parle de moi. Je parle de toi, yeah. Je parle-toi, parle-de-moi, je parle-toi, yeah. Jamais je parle-toi, non. Jamais je parle-toi, yeah. Non, jamais je parle-toi, yeah. Jamais je parle-toi, yeah. Kilo de thé si je détaille ce soir. Au Caillan, vous les vents de fond l'histoire. Bibi la gueule dans des embâtres noirs. Demande à Noura si j'en rêve ou espoir. Igo, je danse quand je mène. Que faire pour vivre l'histoire comme Minimène. Si on est là, sortez pas à la traîne. Passe-toi à plusieurs, mon gars, à la haine. Rosé, Jean, qu'est-ce qu'on Pablo Gavriol. Les poulets m'ont serré pour marijuana. Fira ou lui, vier, mais sous Prada. Igo, t'as vendu la blanche, tout est noir. Tout est noir. Noir, tout est noir. Dans la visée, tout reste noir. Mais mes refrains n'acceptent plus de me voir. Je suis un homme fort, d'accord, je dois y croire. Et l'ennemi et moi, je reste la proie. Sur une croix, ils voudront tous me voir. J'encule le monde dans ton corps et la loi. Si Pinelli finirait, je me noie. Parle de moi, jamais je parle de toi, non. Je parle de toi, parle de moi, je parle de toi, yeah. Je parle de toi, parle de moi, je parle de toi, yeah. Jamais je parle de toi, non. Jamais je parle de toi, yeah. Non, jamais je parle de toi, yeah. Jamais je parle de toi, yeah. C'était 2X avec Noir dans la chronique Voix d'Afrique avec Dominique Nodmabungu. Oui, du cloud rap. C'est bon? Oui, c'est bon. On prend une pause. Au retour, ça va être à ton tour, Tania. Certainement. De quoi on parle tantôt? On parle d'argent, on parle de budget. Ouh là là! C'est là, Assemblage requis jusqu'à 10h. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Oui, c'est la troisième heure d'Assemblage requis. On se 9 janvier, on est mardi. Hein? Oui, en effet. Tania Baudin. Et Mathieu Plante aussi. Il y a là. Quelque chose, faut que je dise 2018 à quelque part là-dedans, je pense. Parce que j'ai ouais, pas dit. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, on l'a pas encore dit. Hein? Je sais pas. On va rendre 2018, Mathieu. Ben oui, hey. Hey, bonne année. Breaking news, bonne année. C'est incroyable. Ah. Oh boy. Bref. On a jusqu'en mars pour dire ça à tout le monde de toute façon. Mais tu sais, au moins, je peux comprendre, l'université a recommencé hier. Fait que il y a encore des bonnes années parce qu'on rencontre les gens. Oui, pour la exactement, première fois. Pour la première fois. Mais après la temps semaine, des fêtes. Là, c'est fini. C'est pas tout le monde qu'on a vu durant le temps des fêtes. On voulait pas les voir, en ouais, fait. Mais propre à qui que la bonne année est déjà souhaitée. Exactement, ça? C'est ça. C'est en plein ça. En tout cas. Je l'ai posté sur mes réseaux sociaux d'attitude. Tout le monde le sait. T'as-tu compris? Bonne année. Dis-moi-le pas jusqu'à mars. Sacre-moi patience avec ça. Il nous reste donc une heure ensemble, Tania et oui. moi. On va être seuls pour le reste. Pour ceux qui se demandent où est Jimmy Thibodeau, il va de retour la semaine prochaine. Certainement. Avec sa collègue gauchère. Il nous abandonne cette semaine. Ouais. Et à 9h30, habituellement, l'année passée, on avait. L'année passée. L'année passée, oui, en 2000. Dans le passé lointain. On avait Marc-Olivier Dumas à 9h30. Dans le passé lointain? Dans le passé proche? Oui, c'est ça. Mais c'est de l'ironie. Ah, okay. Il est rendu à 8h30 pour ceux qui l'ont manqué tantôt. Oui, donc, c'est il y a ça, beaucoup de bouleversements, mais en tant que tel, l'année commence pas mal stable versus l'année passée. Et que, oui, oui, je suis d'accord avec toi. On a perdu quelques morceaux. Stéphanie Paradis oui. reviendra pas, va revenir seulement à l'été. Alicia. Alicia Lemieux, le lundi, est partie, va revenir en mars. Et Xavier Méclich. Xavier Méclich n'a pas la session du tout ici, il est à Québec. Exactement, donc, en stage, éventuellement. Si j'ai bien compris. Exactement. Ça fait en sorte qu'on a du mouvement au sein de l'équipe. Et voilà! Hein? Donc, on cherche si vous voulez appliquer, envoyez-nous votre CV! Ça, non, mais on cherche toujours des chroniqueurs, ben oui, évidemment. Exactement. Le plus on a de chroniqueurs, le mieux c'est pour nos auditeurs. On aime ça varier les sujets. Tout à fait. C'est très cool. Parlant de varier les sujets, tu veux parler d'argent, ton je varie votre compte en banque. Ça varie pas mal, ça varie. Exactement. Mais avant ça, on écoute Joe Rocca. Parce que l'argent est partout autour de nous et mène le monde. Oh. Voici Around Us. Ça, c'est fou. us. Est-ce que j'suis béni ou gone? Counting money, I'm counting. Fly girls be around us. Elle m'a dit moi j'suis down. Elle m'a dit roll un ounce. Boy, ton weed is so loud. Elle m'a dit moi j'suis about it. Est-ce que j'suis béni ou gone? Est-ce que j'suis béni ou gone? Counting money, I'm counting. Fly girls be around us. Counting money, I'm counting. Fly girls be around us. Counting money, I'm counting. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around, fly girls be around, fly girls be around. Am I too much down? Est-ce que je suis bien down? Est-ce que je suis bien down? Fly girls be around. I'm the one never doubt it. Est-ce que j'suis bien down? On s'est mis downtown. Je l'ai mise en attente. Elle raconte à toutes ses copines en ville qu'on a baisé ensemble. Je l'ai laissée en transe. Elle est capable d'en prendre. C'est une série box dans chambre. When I beat it up en trois rounds. She want revenge. I'ma hit it again. She bringing her friend. I'm ready, baby. Est-ce que j'suis bien down? Est-ce que j'suis bien down? Counting money, I'm counting. Fly girls be around us. Counting money, I'm counting. Fly girls be around us. Counting money, I'm counting. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Am I too much down? Est-ce que j'suis bien down? Est-ce que j'suis bien down? Fly girls be around us. Only socks all dressed up. On a fini pretty messed up. Elle m'a dit tu fais ça comme personne. Non, she give me head et vice versa. Shorty m'a donné son cœur. Tous les jours mon anniversaire. Shorty m'a donné son cœur. Tous les jours mon anniversaire. J'ai un restaurant. J'ai du champagne dans mon estomac. Tout le monde nous regarde dans le restaurant. Mon off fait crier fuck the rest of them. She the realest. She looking good on my fitty. She said if you want it come get it. I said move that booty I'm with it. Fly girls be around us. Est-ce que j'suis been in bond? Counting money I'm counting. Fly girls be around us. Am I too much down? Am I too roll around? Boy, don't wait it so loud. Am I too much down? Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Fly girls be around us. Am I too much down? Est-ce que j'suis been in bond? Est-ce que j'suis been in bond? Fly girls be around us. Joe Rock avec Around Us, assemblage requis. Maintenant, autour de nous, on a, en tout cas autour de moi, j'ai Tania. Oui. Baudin. Hein, que... Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ben, je suis d'accord avec toi. Wow. Je suis d'accord. Voici Tania, it's gonna entertain you. Oh, wow. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna entertain me. J'ai la voix qui casse cette semaine, c'est comme ça. Je peux pas chanter comme d'habitude. Mon plaisir coupable de chanter mal sur des chansons thèmes. Donc, on parle d'argent et de budget aujourd'hui. Oui, on parle d'argent et de budget. On va surtout parler peut-être d'économiser, mais pourquoi en fait? Peut-être que vous êtes arrivé au temps des fêtes où vous n'aviez pas nécessairement le budget pour acheter de gros cadeaux à vos proches. Vous vous sentiez un petit peu mal. Vous ne compreniez pas trop pourquoi. Et là, bien évidemment, le temps des fêtes est passé, donc vous êtes ruiné. Voilà. Je suis ça résume la vie de comme 95% des gens, je pense. C'est ça, je me suis dit. Je me suis dit, je vais essayer de vous aider du mieux que je peux aujourd'hui, parce que les gens qui économisent quand même de l'argent, qui sont très bons pour le faire, en fait, le font selon des habitudes financières qui sont simples, qu'on devrait peut-être tous aborder, ouais. Qu'on devrait peut-être tous... au moins essayer. Ouais, c'est ça, prier, mettons, ou tout simplement décider à les intégrer à notre vie de tous les jours. Mais ça fait en sorte que certaines personnes ont quelques mauvaises habitudes qui les ruinent. Mmh. Et c'est là aussi je veux en venir, c'est avant les fêtes, est-ce que vous avez ces mauvaises habitudes-là? Si oui, si vous arrivez durant le temps des fêtes puis vous avez déjà la ceinture pas mal serrée pour devoir acheter des cadeaux, peut-être y penser un mois à l'avance. Arrivez à faire certains petits changements dans vos mauvaises habitudes qui vont faire en sorte que vous allez avoir un plus gros budget pour le temps des fêtes et ça va peut-être aussi résoudre sur le fait que vous allez commencer l'année, la prochaine année avec plus d'argent dans vos poches. Okay? Ben oui. Ça, c'est pour l'année prochaine parce qu'il est trop tard. Exactement. Les mauvaises habitudes qui nous ruinent, en fait, en premier lieu, c'est avoir le mauvais forfait de cellulaire. Ben oui. Le mauvais forfait de téléphone. Magasiné. Ben oui, exactement. Dans les dernières années, les factures de téléphone étaient de plus en plus élevées. Je ne sais pas si vous êtes du genre à vous être posé la question comme 142 fois par année comme moi, mais on a passé certains coups de fil chez certains fournisseurs. Ah, on est en toi, ça? Enfin! On a posé certaines questions. Ça faisait deux ans que je faisais ça. Et on a des offres qui correspondent beaucoup plus à nos besoins de cette façon-là. C'est ça. Ça fait en sorte que vous allez voir un changement sur le coût de votre facture. Et si vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous devez faire, eh bien, prenez quelques minutes pour rappeler votre compagnie de téléphone. Si la compagnie de téléphone est boquée comme ça n'a pas de bon sens, changez de compagnie de téléphone. Pour vrai, changez de compagnie de téléphone parce que de nos jours, ça ne change rien la compagnie que vous avez. Exactement. Puis on le sait maintenant, ça ne coûte plus rien de débloquer un téléphone. C'est ça. Donc, vous allez avoir bien évidemment un téléphone à votre goût avec un forfait qui vous convient et qui va faire une petite différence dans votre compte en banque. Vous allez économiser beaucoup plus d'argent. Vraiment, ça vaut la peine énormément. Tout à fait. Par la suite, une mauvaise habitude que certaines personnes ont qui peuvent très bien les ruiner rapidement, c'est d'acheter des billets de loterie. Ah, pour vrai? Pour ma part, j'ai acheté, je pense, une fois un billet de loterie. Dans ma vie, je devais avoir genre 15 ans. Puis c'était pas pour moi. Ouais, c'était un cadeau. Donc, il faut éviter de dépenser de l'argent inutilement, surtout dans les jeux de hasard. Les chances de gagner sont quand même assez minces, donc il faut se garder pour autre chose de beaucoup plus sûr. Vous pouvez acheter des REER ou peu importe, non, ça dépend de vous. Mettre de l'argent dans un compte d'épargne avec un haut taux d'intérêt, puis ça va valoir pas mal plus la peine que tes billets de loterie. Exactement. Une mauvaise habitude, encore une fois, c'est d'acheter un café à tous les jours. Oui. Si vous n'êtes pas comme nous et que vous n'avez pas un gentil partenariat avec une compagnie de café... Une chance qu'on a ça. Eh bien, vous dépensez de l'argent pour votre café à tous les jours. Oui, un bon 3-4 piastres par café. Là, ça dépend où vous l'achetez, oui. On s'entend. Je dois dire qu'il y en a qui sont quand même très abordables. Ouais, par exemple, tu sais, le gros M jaune, pour ne pas le nommer, c'est quand même un des plus raisonnables en termes de prix, je vous dirais. C'est sûr que là, il y a trois nouvelles succursales quelconques vertes dans un rond blanc qui vont arriver bientôt dans la région de Trois-Rivières et de la Mauricie. Ça se peut qu'il vous coûte plus cher si vous allez le chercher là à tous les matin. Mais pourquoi pas acheter du café à la maison, que ce soit en pods ou tout simplement dans une cafetière normale, plutôt que d'en payer un chaque jour au resto du coin. Et c'est tellement simple à faire et t'auras pas à arrêter. Tu vas pouvoir te lever 5 minutes plus tard probablement. Exactement. Pour pas attendre le café. En fait, c'est un petit truc qui va vous faire économiser plus d'une dizaine de dollars par semaine. Oui. Et vous pouvez vous en préparer deux. Si vous avez deux thermos, tu t'en prépares un, ça reste chaud. Ça reste chaud. Fait que, t'sais, vraiment t'en chaud, as deux, comme trop chaud. Avec deux ta journée, exactement. Donc, au bout d'une année, une dizaine de dollars par semaine, ça fait une bonne différence sur un budget que vous pouvez mettre sur des cadeaux de Noël. Imagine les 10 dollars par jour que j'achète de bouffe à la Chasse-Galerie. Hey, ouais, moi, je pense, j'amène mon lunch, Mathieu, c'est genre pas le paresseux. Par la suite, mauvaise habitude, c'est de ne pas faire une liste d'épicerie avant d'aller à l'épicerie. Tu veux tout acheter. Ben souvent, on prend pas le temps de faire cette liste-là, de savoir qu'est-ce qu'on a réellement besoin lorsqu'on va à l'épicerie. Donc, de faire une liste, ça va nous éviter, en fait, d'acheter en double ou encore d'acheter des aliments qui vont être superflus et vous allez gaspiller beaucoup moins en bout de ligne. Vous allez économiser. Je fais tellement ça souvent, acheter un pot de mayonnaise pensant que j'en ai plus, tu sais. Puis t'en as encore. Je viens juste d'en acheter un. Hein? Exactement. Ouais. Il faut profiter aussi pour utiliser des bons de réduction. On parle pas de devenir un freak du couponing, mais d'avoir certains bons de réduction, vous allez voir, il va y avoir une grande différence sur votre facture quand même et les espèces de cartes fidélité. J'allais dire, ça, c'est la meilleure affaire parce qu'il y a souvent des produits qui sont en spécial pour les membres seulement. Exactement. Donc, ils donnent des points bonus, donc tu vas recevoir un chèque de plus d'argent avec ça. Tout à fait. Et la plupart vont prendre en considération ce que vous achetez tout le temps, c'est-à-dire sur une base régulière. Et vous allez vous mettre à avoir des rabais sur ce que vous achetez tout le temps. Exactement. Y a-t-il quelque chose de plus fun que ça? Ils savent que j'achète telle sorte de lait, telle sorte de peu importe, et puis ils me font des rabais là-dessus. C'est parfait. Une autre mauvaise habitude qu'on a qui peut jouer sur notre budget, c'est d'acheter des bouteilles d'eau. Pendant très longtemps, certaines personnes ont eu la mauvaise habitude d'acheter toutes les semaines de l'eau embouteillée. C'est même pas plus facile. Si seulement c'était comme, tu sais, c'est comme exactement. Ta bouteille d'eau de plastique que tu peux remplir toi-même, c'est quoi? C'est 5 secondes que ça te prend? Approximativement, environ. Ouais. On nuit à l'environnement en plus et on dépense beaucoup d'argent par mois pour tout ça. Donc, on vous conseille fortement de boire soit l'eau du robinet ou soit vous achetez une bouteille réutilisable tout simplement que vous pouvez mettre au lave-vaisselle avec laquelle vous allez pouvoir remplir votre consommation d'eau excessive. Vous allez même pouvoir mettre des petites gouttes de saveur dedans. Exactement. T'sais, c'est tellement simple. Mauvaise habitude, la surconsommation d'électricité. Ah. Surtout au niveau du chauffage à ce temps-ci de l'année. Ouais. En hiver comme en été, ça peut arriver à certaines personnes d'allumer le chauffage. D'oublier de l'éteindre surtout, c'est là que je veux en venir en termes de mauvaises habitudes. Ouais. Les factures sont souvent beaucoup plus élevées si vous oubliez de fermer, par exemple, votre chauffage ou si vous oubliez tout simplement de changer de température à l'intérieur de votre loyer ou à l'intérieur de votre maison. Mais tu fais quoi sinon? C'est quoi la technique? Que le chauffage baisse pendant que t'es pas là? Oui, exactement. Ah. Si vous êtes pas là pendant par exemple, vous partez pour un week-end. Ouais. Eh bien, avant de partir, on va baisser la température de la pièce, du logement, du loyer, de la maison, peu importe. Et lorsqu'on va revenir, on va tout simplement le remonter. OK, mais pour un week-end, pas mettons, je pars le matin de chez moi, je vais pas baisser. Non, c'est ça. Okay. Ben, tu pourrais de 2 degrés. C'est ça, 2 degrés approximativement. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est de pas fermer le chauffage, surtout pas en hiver. Parce que là, de le repartir, ça va être un coût extrême. Mm-hmm. Ça va être une dépense de chaleur beaucoup plus grande. Donc, on fait tout simplement réduire de quelques degrés et ça va faire quand même une bonne différence sur la facture. C'est une très bonne idée. Ou avoir un système automatisé qui fait tout seul, ben, ça encore mieux. C'est là que j'arrive aussi. Il y a des applications sur téléphone intelligent pour régler le chauffage à distance. C'est une belle façon aussi de ne pas dépenser inutilement. Donc, vous pouvez le faire à distance si vous êtes parti, par exemple, pour une semaine en voyage, mais que vous réalisez que vous avez oublié de baisser votre chauffage, bien, vous pouvez le faire à partir de votre téléphone intelligent. C'est un investissement parce qu'il faut t'acheter le système de chauffage. C'est ça. Ben, de bidule, entre autres. Tout à fait. Ouais. Une autre mauvaise habitude, c'est de ne pas faire la différence entre un besoin et une envie. Par exemple, là, je vais peut-être plus viser mesdames ou du moins les gens qui sont facilement attirés vers les produits de beauté. Oui. On réfléchit souvent pas quand on magasine dans la section beauté de certaines pharmacies. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin ou c'est tout simplement une folle envie? On s'entend que si on est dans une on se prépare à aller dans une soirée quelconque, puis on réalise qu'on n'a plus de bas collants, puis c'est un petit peu une situation complexe. Mais on s'entend, là, ça devient un besoin, c'est pas une envie, c'est t'as besoin de bas collants, t'en as plus. Par contre, le petit rouge à lèvres rouge que tu vas acheter accompagné de ces petits bas collants-là, c'est peut-être ça qui est pas un besoin, mais qui est juste une envie. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. S'il le faut, il faut prendre un moment en fait de réflexion avant de sortir notre portefeuille, et même dire directement, lorsqu'on va prendre le produit dans nos mains, se poser la question. Hey, attends. J'en ai-tu besoin? Mais donne-toi un délai. Tu sais, genre, laisse-le là, tu le prends en photo sur ton cell. Exactement. Dans une semaine, tu repasses là. C'est ça. Tu peux faire ça. Y a certaines personnes aussi qui vont tout simplement le faire en même temps que de continuer leur emplette de choses qu'ils ont besoin. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont le garder dans leur panier. Puis, à un moment donné, il va faire, ben non, c'est vrai, j'ai pas besoin de ça. Fait qu'on le remet sur la tablette. Ah, puis ils vont le mettre sur n'importe quelle tablette. Ouais, mais bon, hein, ça c'est un petit détail. C'est juste Alia. Donc, c'est ça. Il faut prendre le moment de réflexion à se poser la question. Et surtout, mesdames, bien peut-être que de réduire votre consommation, mesdames ou messieurs, ou peu importe, tous ceux qui sont... Chers êtres humains. C'est ça, chers êtres humains qui utilisent des produits de beauté de façon incroyable. Peut-être que de se poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Ça va aussi vous faire poser la question, est-ce que ça me tente vraiment de le porter? Parce que oui, la belle petite couleur là, qui vient de sortir à la mode, qui va aller super bien à tout le monde, est-ce qu'elle va bien vous aller? Mais comment tu vas le savoir avant de l'essayer? Bien, tu l'essayes sur ta main, là, puis au pire, tu reviens dans 2 semaines. OK. Mais on s'entend que tout ce qui est rouge à lèvres, c'est pas nécessairement un besoin ou peu importe. Donc, il faut vraiment se poser la question et c'est souvent ces produits-là qu'on a en quantité industrielle. Donc, c'est souvent sur ceux-là que vous allez pouvoir arriver à faire un changement dans votre budget et en fin d'année, ça va faire une grande différence. La mauvaise habitude, c'est de ne pas faire de budget. Oui. Il faut prendre le temps de faire un budget chaque mois avec toutes nos dépenses et on n'aura jamais de mauvaises surprises, à part par exemple si votre voiture casse ou Hein? C'est un ça. Imprévu un arrive, imprévu quelconque que vous faites rentrer dedans, towing, veux, veux pas. Ouais. C'est une mauvaise surprise. Ça aussi, c'est un investissement de temps. Exactement. Mais tu le fais une fois, puis quand c'est fait, t'es content. Tout à fait. Vous allez, en fait, vous n'allez jamais pouvoir économiser si vous ne savez pas réellement combien d'argent vous avez et combien d'argent vous dépensez. Le fait de faire un budget, c'est peut-être aussi une réalisation. Tout à l'heure, on disait de prendre un moment de réflexion à se poser la question, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que c'est vraiment juste une envie? En fait, de faire un budget, c'est de se poser la question, est-ce que mes achats sont peut-être pas au-dessus de ce que j'ai dans mon compte en banque. Vive vous allez... ses moyens, là, c'est pas mal. C'est ça. Vous allez voir, vous arrivez vite à la conclusion que oui. C'est oui, c'est ça. Et de remettre notre budget sur pied après les fêtes. Parce que là, on l'a dit, on a des mauvaises habitudes avant les fêtes. On arrive, on a déjà la ceinture serrée pour acheter des cadeaux, faire plaisir aux gens autour de nous. On arrive après les fêtes, on est encore plus serré au niveau de la ceinture, au niveau du budget. Comment est-ce qu'on arrive à remettre notre budget sur pied après les fêtes? Bien, le premier petit truc que j'ai pour vous, c'est de couper le restaurant. On en parlait tout à l'heure, Mathieu, mais c'est si tentant, c'est si facile de commander du resto. Il suffit d'essayer une nouvelle place de brunch ou encore, comme Mathieu le fait si bien, oublier de faire son lunch pour le lendemain midi. Oui, oublier. Sous prétexte qu'on est fatigué, qu'on a une mauvaise journée. Ou que la chasse-galerie est tellement excellente. Exactement. Le goût, en fait, d'un plat en particulier, toutes les raisons paraissent quand même assez bonnes, mais les restos, c'est souvent le meilleur moyen de faire dérailler un budget rapidement. D'abord, on a besoin de manger, oui, c'est vrai, mais au final, ce besoin-là peut être satisfait de la même manière en consommant des aliments qu'on a déjà à la maison. Ça va minimiser, oui, le gaspillage en plus. Et c'est sûr que si, comme par exemple, nous, on va prendre l'exemple de la chasse-galerie, là, c'est pas dispendieux. Non. Par contre... Mettons... Vous n'êtes pas obligé d'y aller à tous les jours. 5, 6, 7 $ mettons, tu bois quelque chose. Peut-être que tu vas arrondir à 10 des fois, tu sais, fois 5 jour, jours. Fois 5, c'est 50 $ Fois 4, ça fait 200 $ C'est ça. Par mois. Par mois. Tu sais, hein? En tout cas, fais le calcul. Fois 32 semaines scolaires. Exactement. Non, on n'ira pas jusque-là. Tout à l'heure, on parlait d'une mauvaise habitude qui était d'aller s'acheter un café à tous les jours. Eh bien, en fait, comment est-ce qu'on peut rétablir notre budget justement après les fêtes? C'est de faire son propre café. Il y a un millionnaire australien qui est Tim Gurner qui a soulevé en fait dans les médias parce qu'on a critiqué la gestion financière des milléniaux en affirmant que lui, quand il avait commencé dans sa carrière, il s'achetait pas des toasts à l'avocat à 20 $ et il s'achetait pas 4 cafés par jour à 4 $ Ouais. Tu sais, 4 cafés par jour, c'est 16 $ 4 fois 4, ouais, 16. Donc, si vous calculez ça comme ça, on déteste les générations. On généralise, mais bon. Hein? On déteste les générations milléniales, on déteste les généralisations, on roule un peu les yeux fermés aussi, mais de temps en temps, il faut faire un point et souvent, le café va se retrouver à être un des premiers points. Ça coûte rien de faire un... Ben, ça coûte rien. Oui, ça vous coûte en fait votre café, mais... Beaucoup moins cher. Le café, le thé fait maison, c'est pas mal plus facile à gérer dans un budget que si vous allez vous en chercher un. Et oubliez pas, vous allez laisser du type aussi. Oui. Donc, considération... Et des fois, vous allez vous faire plaisir avec un petit latte fancy, tu sais. Exactement. Ça coûte plus cher encore. Ça reste beaucoup moins cher de le faire à la maison, de le préparer, de se faire de la mousse avec du lait d'amande, oui, par exemple. Même t'sais, des peu capsules, importe. Ça coûte moins cher. Exactement. Il faut aussi, après les fêtes, repenser l'épicerie. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par repenser l'épicerie? Bien, dans un budget total, l'épicerie, c'est souvent ce qui est le plus souvent réductible. Il existe encore plein de petits trucs pour que ce soit moins cher. Par exemple, regarder les circulaires, identifier ce qui est déjà en spécial, planifier les repas autour de tout ça. Il faut acheter ce qui est en super spécial, en grande quantité, faire des provisions pour plus tard, surtout si on est plusieurs dans un appartement, par exemple. Utiliser les coupons, comme je disais tout à l'heure. Choisir la marque maison. Ouais. On a tendance à penser que la marque maison, c'est la marque qui a le moins... qui est la moins santé ou qui est la plus cheap ou qui est la moins nutritive. C'est pas vrai, c'est juste qu'elle coûte moins cher puis l'emballage est moins beau. Ouais. Des fois, le goût est pas pareil. Ben, ça dépend. Tu le peux ketchup, le relever. Attends. Ouais, bon, qui est du côté du ketchup chez l'encore, là, Heinz. Il y a pas grand-chose qui peut battre du ketchup Heinz, mais choisir la marque maison pour toute autre chose, souvent, ça peut être une bonne façon d'économiser. C'est vrai. Il faut prendre l'option la les moins chère. Les beaux mouchoirs sont sans nom, tu vois. C'est exactement. Il faut prendre l'option la moins chère lorsque c'est possible. Et surtout, il faut laisser faire les aliments transformés. Ouais. Et les aliments qui sont faits maison, bien, on va les prôner, c'est-à-dire les vinaigrettes, les granolas, les barres tendres. On peut très bien les faire nous-mêmes. Les macaronis au fromage, au lieu d'acheter une boîte de Kraft Dinner, fais-le toi-même. Les soupes, les sauces pour les pâtes, les muffins, les smoothies. OK, vous comprenez le principe, là. Il faut laisser faire le temporaire et on va y aller avec aussi des aliments qui vont se conserver beaucoup plus longtemps parce qu'on va les avoir fait maison. Mm-hmm. Une autre façon de tout simplement regagner son budget après les fêtes, c'est de couper dans les dépenses inutiles. Ben ça oui. revient un petit peu à se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, faire un petit peu le tour de nos dépenses, se rendre sûrement compte que quelques éléments qu'on pourrait éliminer, par exemple un abonnement au gym où on n'est jamais allé dans la dernière année. Tout ce qui est pris par mois, qui sont fixés, qui se prennent tout seuls, surtout ceux qui se prennent tout seuls. Ça va être pratique qu'ils se prennent tout seuls. Sauf que ça fait que tu les vois pas passer. Ben c'est ça. Il faut repenser aussi à ce qu'on veut vraiment. Par exemple, si on a le gros forfait du câble ou le gros forfait de la ligne de téléphone maison, mais on n'a même plus de téléphone maison, on a juste un cellulaire, il faudrait peut-être commencer à repenser la façon qu'on veut voir nos choses à ce niveau-là. C'est le fun que les compagnies elles-mêmes repensent à leur affaire de donner des rabais seulement si tu as les trois services. Fait qu'ils te forcent à prendre un téléphone maison pour avoir moins cher. Si je prends pas le téléphone maison, ça va me coûter au total plus cher. Mais oui. Ce qui est absolument ridicule. Fait que là, j'ai une ligne de téléphone que je paye dans le vide pour avoir moins cher du reste. Exactement. En tout cas. Une autre façon d'avoir une réhabilitation de notre budget, c'est de vendre des choses. Ben oui. C'est toujours un moyen, en fait, relativement facile pour faire de l'argent, c'est-à-dire se débarrasser des choses qu'on ne veut plus. On s'entend, là, vos sous-vêtements, vendez-les pas, là, jetez-les. Mais ça demeure quand même quelque chose en bon état. Donc, si, par exemple, on a des cadres qu'on ne veut plus nécessairement, on peut très bien les vendre. On peut passer à des vêtements, à des accessoires ou encore des articles en double, des objets dans la maison. Des meubles, de l'électronique. Exactement. Il faut prendre quelques minutes, en fait, pour photographier ces items-là. On va les annoncer sur des sites appropriés. Facebook semble être la place en ce de moment, choix ça va ces temps-ci. Bien, oui. Il faut aussi encore apporter nos vêtements dans des boutiques de consigne, par exemple. Et comme je le disais avant les fêtes, il y a certaines boutiques qui vont vous donner un rabais sur ce que vous allez acheter si vous ramenez des vêtements. C'est pas obligé d'être la même marque de vêtements que le magasin en tant que tel, mais vous pouvez reconsigner vos vêtements à certains endroits, dans certaines boutiques, et vous allez, par exemple, avoir un 15% de rabais sur votre prochain achat. C'est quelque chose qui est très intéressant et vous allez voir que vous allez faire quelques dollars quand même assez facilement avec tout ça. Il faut se chercher des activités gratuites, mesdames, messieurs. Il faut arrêter de dépenser un petit 20$ pour une activité quelconque. C'est sûr que si vous allez faire du ski ou quelque chose, souvent, malheureusement, dans une station de ski, il y a des employés. Donc, ben pas malheureusement, mais tu sais, le 20$, il est justifié. Mais dans des activités gratuites, c'est souvent là où on va avoir beaucoup de plaisir et c'est souvent là aussi où on va être capable de rétablir un petit peu plus notre budget. Parce qu'on est en mode économie, ça veut pas nécessairement dire qu'on doit rester chez nous et ne rien faire et devenir une patate de sofa. Donc, au lieu d'aller au resto, au lieu d'aller prendre un café, au lieu d'aller au cinéma, vous pouvez vous tourner vers des activités auxquelles vous n'aurez jamais pensé, mais qui peut être vraiment agréable. Par exemple, des spectacles plus amateurs, mais qui sont quand même bien rodés. Des portes ouvertes dans les musées, des fêtes, des rassemblements de quartiers, des activités extérieures qui sont organisées dans votre coin, des soirées de rencontres, par exemple, d'écrivains à la bibliothèque. Allez faire un tour à la bibliothèque, peut-être vous n'y avez pas été depuis que vous êtes jeune, et c'est une activité, oui. Des conférences qui sont intéressantes, il y en a qui sont gratuites. Un après-midi de patinage, y a-tu quelque chose qui coûte moins cher que ça? Ben, une crise du carpet à 2$. Crazy Carpet 2$, c'est quand même quelque chose de bien investi. C'est des activités auxquelles on pense pas nécessairement, mais ça fait en sorte qu'on est capable quand même de un petit peu plus se lousser la ceinture si on a un souper dans quelques temps quand même puis qu'on veut avoir cet argent-là. La dernière façon de pouvoir rétablir un petit peu plus son budget après les fêtes, c'est de payer comptant. OK. Ça paraît anodin, mais ça marche. Si, par exemple, vous retirez 20$ chaque semaine dans le petit ATM à côté semaine, du... Ouais, c'est ça. Et que vous autorisez à dépenser seulement ce montant-là, au lieu de sortir vos cartes, bien, vous allez constater rapidement que les dépenses non réfléchies vont s'améliorer pratiquement d'elles-mêmes. En fait, vous n'aurez peut-être pas à vous poser la question « J'ai-tu vraiment besoin de ça? » ou le questionnement va venir quand même assez sensiblement facilement. Et pourquoi est-ce que vous allez sortir de l'argent comptant? Bien, essayez d'aller au restaurant quand il vous reste plus d'argent comptant. Fait qu'on va mourir de faim. Ben non, tu te fais manger, Mathieu. Ouais, tu vas à l'épicerie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je vous le dis, si vous réussissez à mettre ces sept façons-là, quand même assez simple, de rétablir votre budget, bien, vous allez voir des changements dès le mois prochain. Wow! Je fais déjà la plupart des affaires que tu as dit quand même. Ouais, quand même. On n'est pas si pire que ça. Oh, ça met de l'allure, pas le choix. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania Baudin et Tania is gonna entertain. Il y a une autre chronique à l'émission de demain. On est rendu à la prochaine pause. Oui. Au retour, on va faire exactement le contraire de ce que tu nous as conseillé. C'est-à-dire qu'on achète plein d'affaires? Peut-être. Ah, okay. C'est un indice comme ça. Toujours dans l'émission matinale, Assemblage requis avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Exactement. Dans quelques instants, on va faire sexe, mais ça ne devrait pas. Là, on va s'acheter des trucs sur Internet, hein, maintenant qu'on a économisé assez d'argent. Oui, c'est ça. Mais avant ça, j'avais pas de chanson qui avait rapport avec l'argent, ben, mais je me suis dit Visa, Vicia. Ouais. Le groupe Vicia avec I Wanted. Ça n'a aucun lien, tu sais. Ben, c'est pas grave, hein. Mais I Wanted, comme dans Je voulais ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça le lien. Ben oui, oui. Annulez ce que j'ai dit tantôt. OK. Ça. Avec I Wanted à Assemblage requis. Parlant de vouloir, récemment, Tania, t'as peut-être entendu parler de cette histoire. Peut-être. Je voulais m'acheter de nouveaux équipements d'hiver. Oui. Genre, je me suis procuré une nouvelle tuque. Oui. Avec, tu sais, pour mes oreilles. Parce que la des mitaines. Celle que j'avais avant, c'est ça, laissait passer l'air. Oui, des nouvelles mitaines. Et j'ai reçu vendredi. Oui. Vendredi, C'était bien simple. Je les ai essayés, c'était bien fun. Première journée où je les ai portés officiellement, hier, lundi. Ouais. Je les ai oubliés dans l'autobus. Félicitations, Mathieu. Merci beaucoup. Donc, je dois appeler la STR tantôt pour voir s'ils ont trouvé mes mitaines extra large, noires. Félicitations. Merci. C'est vraiment mon genre. On oui, vraiment, je suis comme même pas surprise. On m'a conseillé de mettre une corde après. Oui, oui, oui, ouais. Quelle bonne idée. C'est même pas ma première dizaine, je pense, de mitaines que je parle de ma vie. Ça a aucun sens. Si c'est pas attaché après moi, c'est ouais. Comme, mettons, ma tuque, mettons, qui est sur ma tête. C'est non. C'est sûr que tu perds. C'est sûr que je le perds. Ridicule. Franchement. Ça me surprend que j'ai pas encore perdu ma bouteille d'eau. Ça va venir, ça va venir. C'est ça. Donne tout le temps. Ich. Bref, toujours à Assemblage Requis, maintenant on va devoir s'acheter des choses pour remplacer les choses qu'on a oubliées ou perdues. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par un miroir augmenté pour essayer des vêtements. Oh, OK. C'est le géant du commerce électronique Amazon qui domine bien sûr les ventes sur Internet de quasiment tous les produits traditionnels. Mais il y a un domaine où il se heurte au même problème que l'ensemble du commerce électronique, c'est-à-dire les vêtements. On sait que c'est difficile d'acheter des vêtements en ligne parce qu'on peut pas les essayer. Exactement. Les géants de la vente en ligne de chaussures, par exemple, ont mis en place des systèmes de retour très performants, ce qui leur a permis de conquérir le marché. Si la paire vous va pas, vous pouvez la renvoyer sans frais. Ça fonctionne super bien. J'adore le système. J'ai déjà utilisé et je vais continuer. Maintenant, c'est Geekwire qui nous rapporte que Amazon a obtenu un brevet pour le début d'une réponse au problème de l'essayage des vêtements, un miroir augmenté. L'idée n'est pas nouvelle, nous dit-on, car plusieurs prototypes sont déjà parus sur Internet, mais jamais de la part d'Amazon. Le concept est simple, vous faire essayer un vêtement en réalité augmentée. Le miroir, grâce à des caméras, des algorithmes, des écrans et des projecteurs, va vous montrer la robe que vous avez choisie, ou le t-shirt, le pantalon, peu importe, comme si vous le portiez vraiment. Vous allez pouvoir vous tourner, vous admirer à 360 degrés dans le miroir, exactement comme vous le feriez avec un habit réel. Une fois convaincu, il ne restera plus qu'à valider le panier et le tour sera joué. Il y a une autre fonctionnalité, par contre, il permet de vous insérer dans un environnement lui aussi virtuel, comme une fête ou un parc, de quoi vous permettre de voir l'effet de vos habits à un mariage, peut-être, à un événement comme ça. Est-ce qu'Amazon va le faire un jour? On ne sait pas. Mais évidemment, il y a plusieurs brevets qui sont en instance toujours. Par contre, on sait que le géant de Seattle, Amazon, a racheté la startup Body Labs pour plus de 50 millions de dollars. Et Body Labs est justement spécialisé dans la création d'avatars en 3D plus réalistes que la moyenne. C'est fort, hein? Ensuite, un ventilateur personnel qui s'accroche au col de votre t-shirt pour vous rafraîchir. Oh, on aime ça? C'est en cours de financement sur Kickstarter. Ça s'appelle le Blow, qui est un ventilateur individuel et personnel qui rafraîchit l'air ambiant à l'aide d'une huile à la menthe poivrée. Wow! Ouais. Blow, donc un gadget qui s'intéresse à votre bien-être. On dit que c'est un mélange entre un ventilateur personnel et un petit système d'air conditionné ou air climatisé, peu importe. Et c'est plus petit qu'un téléphone cellulaire et ça s'accroche à vos vêtements. À la différence d'un ventilateur, il ne brasse pas l'air ambiant, mais l'aspire. L'air passe ensuite à travers un filet d'huile à la menthe poivrée, qui est naturellement rafraîchissante, avant d'être doucement diffusé sur la personne qui porte le gadget. Mais il est également possible de ne pas utiliser d'huile du tout et de juste profiter du souffle d'air projeté. Les créateurs recommandent de porter le dispositif à la base du cou, proche de la zone connue sous le nom de tronc cérébral. Ah ouais, je me gratte le tronc cérébral. Lorsque vous refroidissez cette zone-là, le reste du corps devient plus frais, nous dit-on. On estime qu'on peut faire baisser la température du corps humain de 4 degrés Celsius en seulement 2 minutes environ. Bref, si vous êtes du genre à avoir chaud, hein, ça arrive, même en temps normal, même si c'est pas l'été, j'ai tout le temps chaud. C'est ça. Un rabais considérable est disponible si vous le commandez en ce moment sur Kickstarter et ça va être livré au mois de février. Ensuite, la revente des cadeaux de Noël, un geste qui devient normal. Ça se banalise, ça se normalise. Les gens n'hésitent plus apparemment à revendre des cadeaux reçus en double ou qui ne leur plaisent pas, mais il y a des règles à respecter. Que faire? Oh, tu nous as parlé un petit peu dans ta chronique tantôt de revendre des trucs en double. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un jeu, par exemple, un jeu vidéo qu'on a reçu en 4 exemplaires ou peu importe? Près d'un Français sur deux, 46% a déjà revendu un cadeau de Noël ou envisage de le faire, selon une étude réalisée pour Price Minister publiée en décembre. La première raison de la revente d'un cadeau est qu'il n'a pas plu à 38%, un cadeau jugé inutile à 35% et un cadeau qu'on veut éviter de jeter à 32%. Une autre étude publiée en décembre aussi par eBay confirme la prédominance du produit qui n'a pas plu dans les motivations des personnes qui revendent des cadeaux. Veux-tu divertir le public de ça? Ben oui, pourquoi pas, Mathieu? Pendant que Mathieu est en train de mourir de la toux ainsi que du mouchoir. On l'a dit tout à l'heure, il consomme quand même beaucoup de sirop depuis quelque temps. J'ai comme l'impression que ça va devenir son meilleur ami. Oui, vraiment. J'étais supposé aller m'en racheter d'autres à la pharmacie hier. Ouais. Il faisait peine trop frette. Ouais, ben, tu sais, hein? Hein, c'est ça, c'est tantôt. Il faut ce qu'il faut, là. Ça va être tantôt. T'as oublié tes mitaines dans... Ouais, dans l'autobus. Finalement, je les ai pas portées ce matin. Hein, c'est ben non, mais tu sais, c'est ça. Mais t'as la grippe. Le rhume. Le rhume. Merci. EBay... Ça s'attrape par les extrémités, ça, Mathieu. C'est ça, c'est Bref, en 2016-2017, eBay a comptabilisé plus de 100 000 nouvelles annonces dans les premières heures au lendemain de Noël. Et plus de 3 millions d'annonces liées à la revente de cadeaux est allée jusqu'à la mi-janvier. Wow. Il y a des sites pour ça. Vous pouvez visiter l'article pour en savoir plus là-dessus. Il y a plein d'autres détails. Vous pouvez faire des dons aussi de vos articles sur différents sites. Ensuite, on change mais complètement de sujet. Ben, quoique, je connais pas votre Noël. Mais on parle d'un sextoy qui vibre au rythme des musiques de Noël. Oh, OK. Les musiques de Noël qui sont désormais dans toutes les têtes. Version classique, revisitée ou peu importe. Et pour Noël 2017, pardon, les créateurs du vibro Crescendo ont imaginé une mise à jour quelque peu étonnante, rendre les musiques de Noël totalement « not safe for work ». Oh boy! Ça a été lancé en 2016 par l'entreprise Mystery Vibes et ça a connu un succès commercial pour la simple raison qu'il est programmable. C'est donc la version la plus originale qu'on a fait des musiques de Noël. La dernière mise à jour de l'application pouvait offrir à ses utilisateurs et utilisatrices de sélectionner des classiques de Noël et l'appli envoyait ses musiques au sextoy connecté Crescendo qui les transformait en vibrations pour le plus grand plaisir des gens qui l'utilisaient. La mise à jour n'ajoute pas grand-chose au principe de Crescendo, c'est juste un petit clin d'œil à la période de l'année de décembre, bien sûr, et d'une campagne publicitaire pour l'entreprise. Ça a été téléchargé, Mystery Vibe, l'application plus de 30 000 fois, donc on s'entend que le sextoy se vend quand même assez bien. Est-ce que tu serais prête à débourser une grande somme, plusieurs dizaines de milliers de dollars pour une bouteille de vin la plus chère au monde? Milliers de dollars, non, je suis désolée. Non, hein, on parle si de... Si j'en avais les moyens, peut-être. Ouais. Mais non. Non, hein. On parle de 25 000 euros ou 37 000 dollars canadiens. Non! Pour cette bouteille de Orem Red Gold, qui est considérée comme le vin le plus cher au monde. Elle est obtenue avec des vignes de Tempranillo, vieilles de plus d'un siècle, et un mélange de techniques modernes et traditionnelles. Mais ce qui est en particulier, c'est l'utilisation de la thérapie à l'ozone, normalement réservée à la médecine non conventionnelle. C'est Hilario Garcia qui a produit ce vin sur son petit vignoble de La Mancha en Espagne. La thérapie à l'ozone lui permit de récupérer l'usage de ses membres inférieurs. Okay. Il décida alors d'essayer de l'utiliser dans la fabrication du vin en injectant de l'ozone dans l'eau qui irrigue les vignes. L'objectif du projet démarré en 2009 à Las Pedroñeras était d'obtenir des vignes en pleine santé et très équilibrées. Après avoir soigneusement choisi les parcelles sur lesquelles planter les vignes, Tempranillo, Cabernet Sauvignon et Sauvignon Blanc. Il a intégré aussi l'énergie pyramidale dans la fabrication, avec plusieurs structures pyramidales pour couvrir les vignes. Il dit que c'est de la plus haute importance que personne de mauvaise humeur ne s'approche des vignes parce que cette mauvaise humeur est transmise aux plantes. Le gars, il croit au gris-gris et à ouais, l'homéothérapie, hein? D'après moi. Là. D'après le fabricant, ces techniques permettent de créer une bouteille de vin à nul autre pareil. Tournez-la dans un sens et vous révélerez certains arômes, certaines textures, et tournez-la dans l'autre sens et c'est un autre monde qui s'offre à vous. Ouais, j'ai des doutes. Ouais, ouais, des moi aussi. Une autre explication pour le prix très élevé est la rareté de ce vin. La production Gold, chaque année, ne compte que 300 bouteilles. 150 sont vendues et 150 sont gardées sur le vignoble pour la dégustation à de potentiels clients sur place. Et seuls 30% de la production d'Orem Red Gold est vendue en Espagne et le reste à l'étranger. Le tarif a explosé avec les années et la demande. Il y a aussi le Orem Red Silver Edition à 450$ par bouteille ou le plus abordable Orem Red White, fabriqué à partir de Sauvignon Blanc à 15$ la bouteille. Ensuite, on change encore une fois de domaine avec un beau jeu drapeau qui ouais. nous rappelle un peu les jeux de Super Mario. En fait. Eh, mon Dieu, oui. Parce que sur le drapeau, ben c'est Bowser, exactement. C'est le drapeau de Bowser d'un tableau qui n'a pas été encore affronté dans les jeux de Mario. Mm-hmm. Donc après... Oui, exactement. Oui, on appelle ça le Bowser Flag. Oh! Très rétro. Donc, un drapeau intérieur ou extérieur avec le symbole ben, symbolique hein, de Bowser oui, dans Super Mario. Donc, on... stop. Est-ce que c'est après avoir battu Bowser ou avant? C'est avant, hein, il me semble. Je ne pourrais te dire, je ne suis pas une si grande connaisseuse de Mario. Je suis connaisseur, mais je me rappelle pas des drapeaux spécifiques. Hein. Ouais, non, moi non. Bref, procurez-vous ça sur Amazon si ça vous intéresse, je trouve ça beau. Ensuite, le sac à dos du futur. a des bandoulières magnétiques pour attraper vos écouteurs AirPods qui tombent. Oh, ça c'est fun. Ça s'appelle le Visvo Novel, donc une approche nouvelle technologie au sac à dos. Hein, les sacs à dos sont très bien pour transporter des choses, mais ça peut pas empêcher tes écouteurs de tomber s'ils tombent. Non. Et tes écouteurs s'enfilent, ben Colin, il faut qu'ils se fassent attraper d'une façon ou d'une autre avant de tomber dans une bouche d'égout. C'est vrai, hein? J'avais pas pensé à ça. Une bouche d'égout, il y en a souvent, il y en a partout. Ben oui. Ils sont tout petits, les AirPods. J'ai été surpris comment c'est ils vrai? Ils sont tellement petits que même dans leur petite boîte, là, ça rentre dans la poche de monnaie d'une paire de jeans. Ça m'a surpris. Bref, Visvo, c'est sur Kickstarter, une nouvelle ligne de sacs à dos, avec quelques idées intéressantes, dont celle-là. Il y a aussi des batteries USB intégrées pour recharger vos équipements sur la route. Des lumières LED pour allumer l'intérieur de votre sac pour trouver des choses. Oui. Un tracker GPS pour trouver votre sac si vous le perdez. Ce que je devrais peut-être faire avec mes mitaines. Mm-hmm. Hein? En fait, je sais où je les ai perdus, fait que ça ne nous donnerait rien d'avoir ouais, c'est ça. Un tracker USB, mais bon. Bref, il y a aussi plein de ports USB un petit peu partout sur les sacs. Vous pouvez les retrouver sur assemblagerequis.com. Ça coûte quand même cher. On parle de 300$ US et plus pour ces sacs à dos-là. C'est pas donné. Ça va être livré en juillet 2018. Ouais. Ensuite, on a un chat de frigo. Donc, un chat qu'on met sur le réfrigérateur. Un chat robotisé qui va vous rappeler de ne pas sauter de repas. Il y a des gens qui ont ce problème-là dans la vie, qui sautent des repas. Oui. Soit sans s'en rendre compte ou sinon ben, parce qu'ils veulent ou ils pensent. C'est perdre vrai. Du poids. On a déjà expliqué que ça fonctionnait pas comme ça. Hein? Non. Bref, il y en a qui oublient de manger, il y en a qui mangent trop. Donc, c'est un petit aimant sur votre frigo qui va vous rappeler que ce que votre estomac vous dit déjà, que c'est le moment de manger. Donc, vous pouvez choisir à quelle fréquence vous voulez manger chaque jour et le chat va faire une petite face affamée pour vous rappeler que c'est l'heure de manger. Plus vous ouvrez le réfrigérateur entre deux repas, par contre, plus le chat va être dérangé un petit peu par ça, plus il va se sentir gonflé. Et si t'es pas content de manger des choses un petit peu trop souvent, ben le chat ne le sera pas non plus parce que tu vas avoir ouvert la porte. Le chat présume que si t'as ouvert la porte, c'est que t'as mangé quelque chose, ouais. Donc tu manges trop. Très flexible pour n'importe quel horaire, on peut configurer ça comme on le veut. Et vous pouvez même construire votre propre petit chat sur l'article sur assemblagerequis.com via le site hackpretty.com. C'est magnifique avec un gyroscope à l'intérieur. Ensuite, quand on... Mathieu va prendre une grande bouffée d'air. Une deuxième partie de la chronique dans quelques instants. pendant que ma gorge se fait détruire, on écoute Destroyer. Ah, ben oui, quelle bonne idée. Aaron Delicio. Justement, si j'ouvre mon réfrigérateur, c'est peut-être pour prendre une pizza Delicio. Ils sont quand même bonnes, hein, lèvres au four. Ouais. Hein. Pas meilleure que la Mike, c'est pas pour la Mike. Okay. Thank you. avec Destroyer. Oui, toute garnie. Toute garnie. Délicieux. Mm-hmm. Alors, on était dans Sex Smith, ça ne devrait pas, on l'a. Oui. Continuons quelques instants jusqu'à temps que je meure, OK? Oui, OK. Ben, il te reste une couple de minutes. Ben, il me reste 5-6 minutes. J'ai le temps de mourir en masse. C'est ça. Hier matin, à l'émission, il faisait, on se rappelle, 16 degrés Celsius dans le studio. Mm-hmm. Tantôt, en début d'émission, il faisait 23 dans le local à côté. Oui. Donc, t'aimerais pouvoir peut-être changer la température de ton propre corps toi-même? Ben oui, certainement. T'aimerais être comme, je sais pas, un Bouddha et choisir ta propre température? Oui. Oui, clairement. Ben, ils te font un thermostat portatif pour ton corps. Ben oui, pas le choix. Soulagement thermique sur demande. En gardant la température de votre corps exactement parfaite avec ce thermostat portatif qui sert un peu comme une... Ben, pas sert comme une montre, mais se porte comme une montre. Okay. Ça dit pas l'heure, hein? Non, en effet. Quand tu commences à avoir trop froid ou trop chaud, l'appareil va utiliser de la conduction pour te ramener à une bonne température. Ça a l'air cool, je sais pas si ça fonctionne, mais ils vendent quand même 430$ canadiens, donc j'espère que ça marche. Mm-hmm. Ensuite, c'est un jeans à l'envers. Le jean inside your jean, c'est pas un jean à l'envers, c'est des jeans dans des jeans qui vont vous coûter 695$. Hein? Hey boy. Ouais, donc c'est selon Mashable, c'est jeans double de Natasha Zinko se vendent 700$. Donc c'est de porter. C'est donc bien horrible. Ouais, c'est des, pour l'expliquer visuellement, t'as l'impression d'avoir une paire de jeans qui va jusqu'à ta taille. Et après ça, t'as comme une autre paire de jeans qui commence au milieu, ben, en haut des cuisses, mettons, un petit peu. Après, c'est les cuisses, mettons. Arrête, c'est vraiment horrible. J'espère que personne va acheter ça. Ben, le pire, c'est que la portion qui va à ta taille te fait... Tu sais, c'est très serré, fait des jolies fesses bien bombées à la dame. Et les autres jeans en dessous, t'as l'impression que c'est des jeans genre de yo, là, tu sais, qui sont... Ouais. Qui descendent en bas des culottes, là. Exact. C'est vraiment dégueulasse. Et en plus, les bas sont comme roulés en dessous. Oh je comprends pas l'idée vient de où. Mais bon, ce serait sûrement moins cher, comme dit l'article, d'acheter deux paires de jeans puis les fusionner ensemble en les cousant. En les coudant? En les cousant. C'est cousant? Je pense. OK. Bref, on dit qu'il y a 7 poches après ces jeans-là. C'est pas quelque chose de pas pratique. C'est quand même le fun, mais comme idée. Mais non. 245... 425$, oui, pardon. Non, c'est ça, j'ai dit tantôt. 695$. Mm-hmm. Tant que ça finisse, cette émission-là. Ensuite, un appareil très, très simple dans votre piscine pour sauver la vie des animaux. Okay. Oui, pour ceux qui ont encore leur piscine d'ouverte rendue en janvier. On parle de Frog Log, c'est le produit, le nom du produit. Et c'est une rampe pour que les animaux puissent s'échapper de votre piscine. Donc, on l'installe, c'est comme un pad, un genre de cercle, une pastille, si on veut, qui va à la surface de l'eau, contre le côté de la piscine. Et puis t'as comme une glissade. Donc les grenouilles, les lézards, les canards, les écureuils, peu importe, les insectes, les gros insectes, dans la piscine vont pouvoir sortir en suivant la petite glissade à l'envers. C'est une très bonne idée. Pas pire, hein? Une fois arrivés sur la plateforme, ils vont pouvoir se rendre à la sécurité de la nature. Mm-hmm. C'est joli au bout de temps. Très joli. Ensuite, t'as toujours rêvé de faire ton propre néon, peut-être. Mon propre néon, ouais. Comme une lumière néon. Ouais, comme avoir le mot, je sais pas, Tania sur ton mur ou Eat, Pray, Love. Oui! Non, j'imagine qu'il faut que je réponde oui. Tu sais, les gens qui ont comme une petite citation cute là, sur leur mur, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça dépend, elle est où. OK, mettons, dis-moi les pour et les contre des endroits. Ben, mettons dans une cuisine. Si c'est marqué But Coffee First, j'accepte. Ouais, OK. Et si dans une dans un salon, mettons, c'est marqué Enjoy, ouais. J'accepte. Ah, OK. Tu comprends? Mais quand c'est une longue citation, genre Vivez mieux aujourd'hui que plus que demain que hier puis moins que demain. C'est pas quelque chose de quétaine de même, non, ça marche pas. Bref. En tout cas, pas dans le nez. Bref. On disait donc que vous pourriez améliorer votre maison, peut-être votre bar, en le personnalisant dans votre propre pancarte néon. C'est disponible en néon rose ou en néon bleu. Et chaque boîte vient avec 9 pieds de fil flexible que vous allez pouvoir plier et couper en n'importe quel design que vous désirez. Mm-hmm. Voilà. Ça va être tout pour Sex Smith, ça ne devrait pas on là, parce que j'entends subtilement venir une nouvelle émission qui nous suit. Oui, moi aussi. Donc, on va terminer ça là-dessus. Les listes de l'émission sont sur assemblagerequipe.com dans les notes de l'émission numéro 1182. Ça va être tout pour nous aujourd'hui. On va remercier nos chroniqueurs de l'émission. Justine Renault avec Justine Persine. Marc-Olivier Dumas avec Sport et Flocher. Et Dominique Nodemavogou avec Voix d'Afrique. Merci à eux tous. Demain à l'émission. Tous, c'est moi ça. Oui, c'est ça, exactement. La toux de Mathieu. Ouais. C'est plus pogné, mettons, ton affaire. Ouais, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Demain à l'émission, on sera mercredi, donc on va voir Sébastien Gartin en début d'émission pour sa chronique Bulletin Gartin. À 8h30, David Ferron va venir faire le tour du plus récent Zone Campus qui sort aujourd'hui. À 9h, la chronique dans les coulisses de la lutte devrait être là. À 9h30, Alex Marchand et sa nouvelle case horaire pour la chronique Dans ma tête. C'est demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes aujourd'hui, ben clairement, je suis pas au courant. Fait que, c'est ça, fait que rester en ondes, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Quelque chose s'en vient à 10h. On se retrouve demain. On se quitte en musique, Tania. Oui. Avec ce que j'aurais peut-être besoin en ce moment, de la morphine. Non, de la morphine, ben oui. C'est comme ça qu'ils réglaient bien des affaires dans le temps. Ben oui, tout à fait. Sorry. Ça ou des saignées, c'est toi qui choisis aujourd'hui. Un ou l'autre, les deux au pire. Les deux, voilà. À demain, 7h. Bye, bon café tout le monde.